Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fous. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Valérie Deschamps recevra un invité spécial pour discuter de culture du viol dans sa chronique genre sur l'actualité. Et Tania résumera les nouvelles sportives des derniers jours dans Sport Épiloché. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Requis, c'est lundi 31 octobre 2016. On est en direct à l'Institut de Sifo à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va bien, ça va bien. On est au temps de l'année où on ne sait pas si on a un rhume, si on est fatigué ou peu importe. Donc, ça va comme ça. Ben, justement, ça tombe bien parce qu'on va en parler avec Aliasenia Kouyi tantôt de rhume. On va savoir pourquoi t'as ça. Ça tombe-tu bien, pareil, hein? J'ai très hâte de savoir. L'émission est organisée autour de toi. Alors aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on a ta chronique Sport et Filoché qui s'en vient plus tard. De quoi tu nous parles dans ta chronique de sport? Bien, on va faire le retour sur ce qui s'est passé pour les Patriotes de l'UQTR durant la fin de semaine, mais aussi du côté des sports locaux, plus ou moins du côté du hockey. Oh, eh bien, donc c'est vers les 8h30 environ. Plus tard, ensuite, à 9h, on va faire un petit peu de setup, un petit peu de trucs sur l'Halloween. Je sais pas si vous avez remarqué une différence dans l'émission d'aujourd'hui. Moi, j'ai... mais non, voyons. Il y a des gens qui crient derrière. C'est ça. Ça arrive, c'est David Ferron qu'on a, notre stagiaire recherchiste et scripteur à tout faire. Mais pour débuter l'émission, c'est Valérie Deschamps qu'on reçoit. Bonjour Valérie. Hey, bon matin, ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. Oui, ça fait quoi, 2 semaines? Ouais, facilement, si c'est pas 3 même. Si c'est pas 3, oui, tu t'en permets. Oui, ben, on te reçoit aujourd'hui pour quelque chose qui te tient particulièrement à cœur et je sais que tu as apporté avec toi un invité spécial. Ah oui, ouais. Parce que c'est un gros sujet, puis Monsieur Sébastien qui est là. C'est rare que je me fais appeler invité spécial. C'est le même Sébastien que les mercredis matins à cette heure. Ben oui. Moi, j'avais bien aimé ça, justement, la fois qu'on avait parlé ensemble, là, au retour... Contre-lisé. Mais je trouvais ça intéressant. Puis vu que c'est un gros sujet dont je veux vous parler ce matin... qu'on regarde ça de fond en comble ensemble, je trouvais ça important. Parce que je veux bien en dire, mais à un moment donné, ça se peut que j'en oublie. T'sais. Tu vois, il est là pour te ramener sur le droit chemin. Moi, je trouvais qu'on avait... peut-être valent mieux qu'une. Ouais, c'est ça. Puis la mienne, des fois, elle compte pour la moitié d'une. Surtout le lundi matin. C'est le manque de sommeil. <c'est. rire> Donc, culture du viol, parce que demain soir, mardi... Le 1er novembre, c'est bien ça? Oui. Il se passe quelque chose à Trois-Rivières? Ben en fait, c'est demain midi. Midi? Oui, demain midi à 11h30 du côté de l'entrée Père Marquette. C'est le groupe d'action femmes de l'UQTR qui organise un rassemblement contre la culture du viol. Ça s'appelle Trois-Rivières contre la culture du viol. On veut vraiment se montrer solidaire, là, en fait, envers toutes les victimes d'agressions sexuelles. Il va y avoir des organismes de la région. On pense au CALAX. Il va y avoir aussi Concept qui va être là. Les représentants politiques de tous les partis sont invités aussi, parce que c'est un sujet qui touche aussi le monde de la politique hein, depuis quelques semaines déjà. Là, ouais, c'est... Malheureusement. Ouais, c'est ça. Donc, gros rassemblement à compter d'11h30. Il va y avoir du café. C'est la GEQTR qui nous fournit ça. Il va y avoir une banderole aussi. Plein de trucs comme ça pour se réchauffer. Puis, il annonce beau en plus. Il annonce beau et chaud demain. Pour faire changement quand même. Ouais, non, c'est ça. Là, il fait frisquet ce matin. La pluie, ça aurait pas été cool. Donc, environ, là, je dirais... Je regardais sur l'événement Facebook, là, il y a comme 275 personnes intéressées. Ça, c'est juste ceux qui ont vu la page Facebook et ouais. qui se font pas dire en bouche à oreille de venir. Ouais, j'entends le. Ouais, je sais. Ouais, hein? J'étais à ça de le baisser, tu sais. À ça. C'est... C'est pour ça que j'ai pas mis d'écouteurs, moi. Chance ce matin. T'sais, j'allais subtilement l'enlever, tu sais, vers le. Mais surtout, t'embarquer dans le sujet, et là, finalement, je pense que c'est déjà fait. Ouais. Il y en a pas de problème. On y reviendra tard. Cette belle coupure. Oui, c'est ah, ça, c'était très subtil. Tu parlais en même temps. Bref, culture du viol, oui, c'est sur l'heure du midi. Café pour se réchauffer, des pleins de gens, des politiciens. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, pourquoi? Parce que dans les dernières semaines, bon, tout ce qui s'est passé du côté de l'Université Laval, on sait le nombre d'agressions, d'entrées par infraction aussi dans des chambres. Moi, je regardais ça de chez moi, puis j'avais peur. Tu sais, je me dis, une chance que je suis chez moi. Tu sais, j'ai déjà habité en résidence quand j'étais au collège, mais une chance qu'aujourd'hui, ben, je suis chez moi. Puis après ça, on me dit, ben, t'as juste à barrer ta porte. Ça me met encore plus de frissons. Tu sais, je suis comme, oh, tu sais. C'est quelqu'un qui veut rentrer, même si tu barres ta porte. Ben, tu sais, à un moment donné, là. D'ailleurs, juste... les événements à l'Université Laval, il y avait des portes qui étaient barrées, qui ont été enfoncées. Puis de toute comme façon, que la porte soit barrée ou non, tu rentres pas chez le monde. C'est ça. Depuis quand est-ce que ça a depuis quand qu'on se permet ça? Ah, la porte est débarrée, oui, regarde. C'est juste une invitation pour rentrer. Mais le pire, c'est qu'il y a l'élite intellectuelle du Québec, il y en a qui. Ben, je dis l'élite. Donc. Ben, écoute, c'est des animateurs du côté de la radio. Ah, du Québec. Ouais, mais l'élite, c'est bien. Mais ça reste quand même l'élite. Puis on regarde aussi des gens, quand on parle de culture du viol, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, mais ça n'existe pas au Québec, la culture du viol. Ben, c'est désolée. Le mot qui est peut-être pas nécessairement le bon, comme on a déjà parlé. Mais... Ouais, c'est une question de sémantique, hein, surtout. Mais tu sais, quand on s'enferme d'un fleur du tapis, à un moment donné, tu dis. Il y a une banalisation de tout ce qui est autour de, comme on dit, on a parlé avec Sébastien, je crois, de entitlement, où les gars se croient tout permis, et que les filles, juste parce qu'elles portent des vêtements d'une certaine façon, mais ça évite à ça. Ça, c'est dans la culture, pareil. Ou même dans... Oui, exactement. C'est pas seulement culture du viol, c'est culture de banalisation de tout ce qui est sexualité féminine. Mais c'est à peu près comme ça qui est défini la notion de culture du viol, en fait. Puis je pense que le mot, premièrement, tant qu'à moi, m'amener s'ostiner sur « Ouais, ce mot-là est mal choisi, puis tout. » Puis d'ailleurs, j'ai dit la même chose mercredi passé. Ouais, c'est pour mais, tu sais, la gang de philo, on est bien fort sur s'ostiner ses termes, puis tout. Puis à m'amener, il faut comme en sortir de l'ostinage ses termes, puis garde bon. Qui va c'est ça le mot qu'on utilise, utilisons-le. Puis le fait que le mot soit fort, le mot, l'expression, plutôt, je devrais dire, soit forte comme ça, ben peut-être que ça shake un peu plus les gestes, si vous me permettez l'anglicisme. J'avoue. C'est un peu le but, en fait. C'est aussi le fait de dire que ça n'existe pas parce que c'est une minorité de gens. Exact, oui. Et ça, c'est quelque chose qui me fait le dresser le poil ses bras parce que dans la vie, c'est pas parce que c'est pas une majorité qu'il n'y a pas de culture. Et presque tout est une minorité dans la vie, que ce soit des maladies, des crimes, avec des vols de dépanneurs, tout ça, c'est des minorités. Et voilà. Et voilà. Puis on regarde, tu sais, la culture, c'est pas seulement dans les médias traditionnels parce que oui, il y en a comme des Denise Bombardier de ce monde qui, moi, m'ont. Elle m'a mis en titi dans les derniers jours, sérieusement, avec ses crinets. En titi, écoute, pour être poli, là. Mais, tu sais, des gens comme Denise Bombardier, qui est une femme forte, qui vient dire que la culture du viol, ça n'existe pas, puis qu'il faut montrer aux jeunes filles à se défendre. Non, ah ben là, attends un peu, là. Mais c'est ça, mais tu sais, oui, il faut montrer à tout le monde à se défendre dans la vie. Oui, oui. Mais c'est pas là le problème principal. Et c'est ça qui est dommage aussi avec la culture du viol, c'est de banaliser toutes les actions. C'est pas parce que la fille peut se défendre que ça permet au gars de le faire, parce que de toute façon, elle va se défendre. Et c'est ça, et de lire comme ce qui s'est passé dans la vie d'Alice Paquet, d'aller chercher comme quoi que c'est une ancienne prostituée, on s'en foutu. Puis prostituée, le mot est peut-être fort d'ailleurs. Ouais. Parce que moi, le terme que j'ai vu, en fait, utilisé par elle et le monde de son bar, c'était escorte, ce qui. On s'entend, il y a quand même une nuance entre les deux. Là. Déjà là, c'est qu'elle accompagne quelqu'un. Puis même là, ça n'a pas encore rapport, même si ça avait été de la prostitution pure et simple, faire le trottoir qu'elle avait fait. Ça ne justifie pas, premièrement, mais je pense que là-dessus, c'était vraiment carrément une tentative de justement, là encore, d'utiliser les mots pour la discréditer. Et exactement. C'est ça, la culture du viol aussi. C'est de justement banaliser tout ça, dire que dans le fond, c'est pas vrai. Finalement, elle avait accouru après. C'est non, tout simplement. Ouais. C'est ça, la culture du viol. Et on le voit autant dans les médias traditionnels, comme je vous l'ai dit avec la chronique de Denise Bombardier, ou sur les médias sociaux. Puis en 2016, on ne peut pas nier que les médias sociaux ont une importance capitale dans nos vies. Et j'en ai vu des commentaires, j'en ai vu à toutes les... J'essaie de pas lire les commentaires, là. C'est frustrant, les fois. Oui, on finit par le faire pareil. Oui, c'est ça. Ça nous pompe un peu plus. Puis côté politique, hein, parce que ça touche la politique, bon, on l'a su avec les allégations d'agression sexuelle sur le député Jerry Slavounos, déjà 2 semaines? Ouais, c'est plus avant la relâche. T'es plus bien dans les nouvelles courantes, toi, là. Non, mais il y a eu... Oui, c'est ça, j'essaie de me retrouver. Mais il y a eu quand même une annonce faite par le gouvernement gouvernement la semaine dernière sur l'octroi de 44 millions de dollars pour la prévention des agressions sexuelles, mais aussi, laissez-moi le temps de le retrouver. Là, je l'avais tantôt, mon ordinateur a décidé de se fermer. Mais tout ce qui est prévention... Ouais, c'est l'histoire de ma vie. Tout ce qui est prévention des agressions sexuelles, d'aussi aider les victimes et tout ça. Le gouvernement a annoncé ça. Le problème qui a été soulevé par beaucoup de groupes et d'organismes, c'est que l'argent, est-ce que les organismes déjà en place vont être utilisés à bon escient? Et c'est ça la question qui est soulevée en ce moment. Parce qu'honnêtement, on s'entend qu'il n'y avait pas le choix de sortir quelque chose comme ça. 44 millions, c'est beaucoup, mais pas tant que ça aussi. Mais c'est quand même une bonne chose. C'est un pas par en avant. Il y a les organisations aussi, des associations étudiantes qui veulent faire partie de ce mouvement-là, qui veulent faire partie des consultations. Puis comment on va investir l'argent? Parce que c'est un problème qui est très ancré dans les universités, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient québécoises. Et chaque université a ses particularités aussi. Donc, au niveau politique, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ah, je sais pas. Parce que ça s'en vient. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est transpartisan. Et c'est ça que j'aime, parce qu'on a vu aussi, tu sais, autant des gens du Parti québécois, des gens de la CAQ, du Parti libéral, de Québec solidaire à l'Assemblée nationale qui se sont levés et ont dit « ça n'a pas de sens, on va travailler ensemble ». Puis, il y a eu plein de dénonciations auprès de Géry Slavounos. Est-ce que vous avez vu ça? C'est assez incroyable, là, des stagiaires du Parti québécois, des anciennes stagiaires, des gens même du Parti, Parti libéral lui-même qui ont dit... La force des nombres, hein. Une fois que quelqu'un sort, c'est plus facile de sortir soi-même parce que t'as moins peur, t'es pas la première. Non, ouais, mais, effectivement. Effectivement, pour la petite histoire, personnellement, sur mon Facebook, ça donne que je connais beaucoup de gens qui sont impliqués à l'Assemblée nationale, puis même avant que le nom de Slavounos commence à circuler, sur mon Facebook, il y avait du monde qui disait « la fille qui a parlé à Laval, checkez bien si c'est pas Slavounos, parce que quand j'étais à l'Assemblée... » Plus, c'est plein de gens qui disaient ça. « Quand j'étais à l'Assemblée nationale, c'était lui qu'on se faisait dire « Tiens-toi loin, c'était une fille. » Ouais, j'ai eu vent de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on entendait M. Couillard dire qu'il était pas au courant de rien, c'est « la c'est misère louche. Avec ça. » C'est louche, bon. Parce que ça jase depuis plusieurs moments. C'est quoi, ça date même de 2012, à ce que j'ai lu, là. Il y a des gens qui disaient « Écoute, moi, j'étais là en 2012, puis me faire dire moi, j'ai lu un témoignage d'une fille qui dit « J'avais un gros rhume. » Tu sais, un gros rhume, là, une grippe d'homme, là, tu sais. Puis il y a Géry Slavounos qui arrive à côté de moi. En tout cas, moi, j'attraperais n'importe quoi de toi. Ah ouais, exactement, Tamia. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Écoute, mon champion, une claque d'en face, as-tu déjà pogné ça? Ben, c'est ça le problème. C'est comme tous des petits commentaires comme ça qu'il a fait au fil des années. Mon ordinateur vient encore planter. Sony à la marque. Ouais. Je n'osais pas le dire. Ça plante, ça met un gros émoji triste dans l'écran. Ah, c'est Windows 10. Moi, je le trouve tellement condescendant, parenthèse. Windows 10, quand il y a un bug, ça fait un petit bonhomme triste qui fait comme message d'erreur, man. Ouais. C'est tellement condescendant. Il y a un problème. Je te dirais pas c'est quoi ton erreur, mais t'as un problème. Ouais, mais ton assistant personnel, c'est Cortana. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vrai, comme dans Halo. Fait que c'est ça. Je trouve ça plate, j'avais plein de statistiques à vous amener. Il va pour une fois que c'est pas nos ordinateurs qui plantent. Pour une fois. Changement. Mais c'est parce que j'ai fait une recherche hier, je recherchais là-dessus, parce que, tu sais, des fois, on se regarde beaucoup, ah, mais tu sais, au Québec, il n'y en a pas de culture du viol comparée aux autres pays, disons, du Moyen-Orient ou d'autres pays qui sont un peu plus pauvres. Puis je me suis rendu compte que c'est pas tant vrai, tu sais. C'est on s'entend que c'est complètement différent. Là. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est ça, c'est comparer des pommes puis d'autres sortes de pommes un petit peu plus passionnantes. Ouais. En fait, c'est qualitativement différent, mais c'est pas... en termes de si tu l'as ou c'est pas là, je pense que... C'est ça, dire que c'est pas là, c'est un peu aussi... bon, ça va peut-être paraître comme un sophisme, ce que je vais dire, là, mais... Je te watch. Dire qu'il y en a pas, c'est un peu justement dire qu'il y en a, dans un sens. Ben, c'est drôle parce que je suis tombée sur un article la semaine dernière qui disait justement, est-ce que cette fameuse dénonciation-là de la culture du viol puis de toutes les agressions qui sont faites présentement, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il y en a plus d'agressions sexuelles? Est-ce que c'est des faits? Est-ce qu'on peut voir les nombres puis tout ça? Puis t'avais la comparaison Canada-Québec et ils sont venus à la conclusion que oui, c'est vrai, ici au Québec, il y a une augmentation de tout ce qui est dénonciation des actes sexuels faits ou des viols faits, mais qu'au Canada au grand complet, le reste du Canada, il n'y a pas nécessairement d'augmentation de ce côté-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plus prononcé ici au Québec. C'est une bonne chose aussi justement que ce soit plus dénoncé puis que des mouvements comme ceux-là, que ça apporte des jeunes femmes et des hommes aussi, parce qu'il y en a des agressions sexuelles. C'est moins, mais ça parce qu'il y en a moins qu'il n'y en a pas, puis c'est pas important. Exactement, puis c'est important de dénoncer, puis que des rassemblements comme ça poussent les gens à dénoncer, c'est une bonne chose. Puis c'est pour ça qu'on a organisé quelque chose comme ce qu'il va y avoir demain, un rassemblement. C'est un rassemblement de soutien et d'éducation aussi, parce que comme je vous disais, le CALAC, ça allait être présent demain. Donc pour donner de l'information, on parle aussi des associations de sexo qui vont être là. Fait que tu sais, c'est dans le but de tout prévenir et éduquer les gens aussi sur, tu sais, c'est quoi une agression sexuelle. T'sais, la tasse de thé, là, cette vidéo-là, là, c'est, vous l'avez probablement déjà vu. Ouais, ouais. C'est parfait. Ouais. Ça fait déjà des années hein, qu'il est sur Internet. Elle a été traduite en français et avec la voix de Bernard Lavant. Elle existait en anglais avant. Oui, c'est ça. Je tente que mon ordi s'ouvre, ben, je veux vous parler. C'est long. Mais pendant ce temps-là, non, on peut faire une parenthèse pendant ce temps-là, que si vous n'avez pas encore assez entendu parler de ce sujet-là, C'est fou le sexe va probablement en parler vers 9h30 tout à l'heure. Donc, ça va être la journée pour en parler aujourd'hui de cette manifestation. On peut pas vraiment appeler ça une manifestation, est-ce qu'on peut? Rassemblement. Moi, j'aime ça dire le mot rassemblement parce que justement. Je pense que le but, c'est pas d'être en colère, le but, c'est d'être ouvert. Je pense que c'est ça un peu le concept du. Je suis pas dans l'organisation, il faut dire, là, mais je pense que c'est un peu plus ça le but. Manifestation, par définition, c'est on arrive, on est pas content, mais on revendique quelque chose, mais là, au contraire, c'est ça. C'est de montrer. C'est pour ça qu'on fait pas de marche, hein. C'est important de le dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent les gens, vous allez faire une marche. Pour habituer à ça. Oui, c'est ça. Puis, mais on ne marchera pas. Nous serons sur place. On va avoir une banderole. On va avoir des gens qui vont être là pour parler. Ça va jaser. Le recteur de l'université qui va être présent. Et ça, je peux vous dire qu'on était très contente de l'apprendre, là, honnêtement. Moi, ça, Mais il est partout, ce gars-là. C'est une machine. C'est le fun. Il est fort. Est-ce que tu prévois, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un anti-rassemblement de gens qui sont pour la culture du viol? S'il y a un anti-rassemblement, là. Ça pourrait arriver. Ça serait des fois, dans les manifestations, t'as l'autre côté. Ben, je sais pas, pour vrai, si je me suis pas préparée à cette éventualité-là. Maintenant que tu la soulèves, je me demande si ça se peut. Ça se peut. Je pense que oui, ça se pourrait qu'il y ait des gens, malheureusement, là, qu'il y ait des gens qui viennent dire « ça existe pas, la culture du viol! » Puis j'ai peur. J'ai peur que ça arrive. Non, mais en même temps, s'il y en a quelques-uns un peu crinqués, qui sont comme « ça existe pas » puis tout, puis qui viennent là pour... peut-être pas pour se pogner, mais pour se... Mais justement, qu'ils seront pas là pour foutre la marde. Ils vont être là juste pour venir dire « Ah, ça existe pas, puis tout. » Ben, c'est une occasion de leur parler, en fait. Puis de leur démontrer, puis leur prouver justement le contraire. Ils vont être une minorité, eux, par la minorité. On va se permettre de dire le mot, les gros innocents qui seraient vraiment radicalement opposés à... tu sais, là, que vraiment, là, ça existe pas, puis laissez-nous faire les niaiseries qu'on veut dans nos initiations, puis on y parle là. Soit ils viendront pas, ou soit ils vont venir en grosse gang, puis de toute façon, je pense que anyway, c'est le rendu sa job des gardes. Je m'attends toujours à, de la part des radios de Québec, pas grand-chose. Exactement. Mais aussi qui convainquent quelques personnes de venir faire du. Mais bon, ça, c'est moi qui est un petit peu défaitiste. Mais c'est un peu la. Ça, puis ce phénomène-là, ça va toujours être un peu la même chose que les trolls de section commentaires Facebook. sont bien forts pour gueuler sur Facebook quand ils n'ont pas les gens devant eux autres, mais c'est pas toujours un signe de grand courage, mettons. C'est pas sûr qu'on s'attend nécessairement à ce qu'ils prennent vraiment des actions qui s'exposent eux-mêmes à ça. Ouais. Fait que, sauf les maillets qui vont passer proche de frapper des cyclistes puis ils vont fumer ça mais ça sur Facebook. Ouais, mais là encore, ils sont dans leur pick-up puis ils s'attaquent à des cyclistes. Sans défense. On va se le dire. Oui. C'est comme des bébés fuck. Les cyclistes. Des bébés fuck. Ça fait longtemps. C'est une joke de Brigitte Bardot, ça. Ouais, c'est vraiment vieux. Je la connais pas. Je suis tellement inculte ce matin. C'est même pas à cause de ta jeunesse, en plus. c'est pas le domaine qui t'intéresse. Ça a juste pas rapport. Ils ont violé des femmes. Ça fait longtemps, en plus, là. En tout cas. Ouais, je voulais. J'attendais ton ordinateur. Ça fonctionne. Parce que je voulais vous parler de statistiques. Oui. Parce que le Canada et le Québec fait partie des presque, je pourrais dire, rares pays où il y a des législations contre les agressions sexuelles, les violences sexuelles et qui sont respectées. On parle de 20 % des pays de la planète. C'est 35 États seulement qui offrent une protection juridique contre le viol qui semble appropriée et respectée. Ça, c'est selon l'OCDE, l'Organisation des coopérations et de développement économique. Le Canada fait partie de ce lot-là. 20 % seulement où c'est applicable, où ça a de l'allure, puis que c'est appliqué. 20 % Que ça a de l'allure selon les standards de... De l'OCDE. C'est ça. Ouais, c'est ça. On parle de 35 autres nations aussi qui ont une législation spécifique contre le viol, mais qui a des problèmes d'application dans la loi. On parle de 40 % sur les 160 pays qui sont recensés par l'OCDE qui ont une loi spécifique contre le viol, mais que l'application est déficiente. Et ça, c'est de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Là, à date, là, c'est tout des pourcentages en bas de 50 là, que je vous donne, OK? Aussi, il y a 66 pays qui ont une loi sur le viol, mais que la législation est inappropriée ou incomplète. Ici, on parle... On donne comme exemple le Azerbaïdjan. Je suis pas capable de le dire. Azerbaïdjan. Merci. Ah, voilà, merci. Où le viol marital n'est pas inclus dans la loi. Donc, oh, wow. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est correct parce que c'est ta couple. Femme. Exactement. Puis c'est quelque chose aussi que j'entends avec c'est le genre. C'est pas ta propriété, mais c'est pas ton bétail. Là. Et ça a bien beau être ta blonde ou ton chum, si elle te dit non. Ouais. Elle te dit non. Tu sais, chérie, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, fous-moi à paix. Tu me dois ça? Ben t'sais. Non. Mais c'est dommage, mais au Québec, ça existe encore des pensées comme ça. Ouais. Puis dire que ça n'existe pas, c'est comme se mettre la tête dans le sable. Là. Ça peut faire l'autruche, finalement. Aussi, il y a 17 % des pays recensés, c'est-à-dire 27 pays qui ont des semblants de législation ou des projets de loi qui sont à l'étude. Et il y a un seul pays, c'est l'Arabie Saoudite, qui n'a pas du tout de loi sur le viol. Mmh. Aucune loi. Notre allié de guerre canadien. C'est là où on envoie des... Ouais, hein, beaucoup de d'armement, puis ça a été le plus gros contrat d'armement dans les dernières... Ouais, c'est ça. Ouais, okay. On est le deuxième... En fait, le Canada, présentement, est le deuxième fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite. Officiellement, leurs armes servent à mater des rebelles du système. Puis, ben ça, en fait... C'est une chose qu'on va reprocher parfois à Justin Trudeau de se dire le premier ministre féministe puis tout le kit, mais qui est très, très content de vendre des tanks à coups de milliards à l'Arabie Saoudite, qui est le pays, en fait, qui est un désastre de la condition féminine présentement. on le voit là, il n'y a pas de législation sur mais, le viol. À l'Arabie Saoudite, présentement, une femme, c'est vraiment littéralement considéré comme un meuble. Ouais. Un homme a le droit de faire absolument n'importe quoi à absolument n'importe quelle femme. Mais c'est contradictoire, puis ça n'a pas de sens, justement, que le gouvernement canadien vende autant d'armement à un pays qui se bat contre des gens qui sont un peu révolution, tu sais, qui veulent se battre contre les systèmes, un système qui est corrompu, un système qui est sale, un système qui est méchant, tu sais. Ton gouvernement, il est censé t'aider. Je me dis que ça date d'avant lui, mais qu'il fait juste continuer ce que c'est. Ben, en fait, oui, là. Ouais. Faut quand même, on va le dire. Il n'a pas écrit cette loi. Ça a commencé avant lui, mais je pense que c'était même avant les conservateurs. Ouais. Ça fait longtemps, en fait, qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite. C'est dur de changer ces choses-là en cours de route, j'imagine. Mais quand tu le dis, au moins, tu essaies de faire des trucs conséquents. Pas à quel point, mettons. Aucune. Tu sais, avec le deuxième plus grand fournisseur, là, c'est qu'il t'en donne en titi. C'est sûr que t'as peut-être plus de paperasse à annuler un deal qu'à finir le deal, là, mais quand même, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Au moins, commence. Ben ouais, mais bref. C'était pas du tout le sujet de ce matin. Là. Non, mais c'est important de le soulever parce que c'est justement une chronique politique aussi. Hein? Mm-hmm. Puis quand tu regardes ça, tu dis il y a des incohérences à quelque part et ça en fait partie, cette incohérence-là sur « je suis féministe et blablabla, ouais, t'es féministe, mais tu vends des armes à un pays qui est très comme radical. » Ben pas radical, mais qui est comme méchant envers les femmes, entre guillemets. Là, t'sais. Non, mais t'sais, j'aime le terme scientifique « méchant envers les femmes ». Nasty. Puis tu sais, oui, il y a les lois sur le viol, mais il y a aussi les lois sur le harcèlement sexuel. Et ça, c'est assez spécial quand je disais ça. L'OCDE a observé que le harcèlement sexuel est souvent considéré seulement dans le cadre du travail, mais pas à l'école, pas dans la rue, pas dans les magasins. Donc, il n'y aurait pas dans plusieurs pays de code sur le harcèlement sexuel ailleurs qu'au travail. C'est assez spécial. Je ne dis pas que c'est le cas ici au Canada, mais dans plusieurs pays, on parle de 26 pays. 26 % des pays, c'est une quarantaine d'États, dont le Canada, qui offrent une protection juridique contre le harcèlement sexuel qui semble approprié et qui n'inclut pas seulement le harcèlement au travail, mais dans d'autres lieux. Je vous ai dit 26 %. Ouais. C'est ridicule. 26 %. On parle d'une trentaine d'États aussi qui ont une législation sur le harcèlement sexuel qui semble appropriée, mais qui n'est pas toujours appliquée. On interdit aussi le harcèlement sexuel dans les lieux de travail, à l'école. On pénalise aussi les témoins qui ne rapportent pas les faits ou au Bénin depuis 2006. Donc, si tu es victime d'harcèlement et que tu ne rapportes pas ça, ben, tu peux être accusé. pourquoi? Ben, c'est, ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre. Puis c'est comme un peu de la prévention pour pas que ça arrive à vers d'autres. Mais le problème de ça, c'est que ça force les gens à engager le processus bien avant qu'ils soient prêts et prêtes. Là. Et c'est sûrement pas si facile que ça. Je veux dire, on parle d'un pays qui... Tu sais, le Bénin, je veux dire, c'est pas un des plus gros pays du monde, tu sais, comme le Canada, où là, ça va être un peu plus encadré. Mais tu sais, ça doit pas être facile non plus de justement lancer ça. Puis harcèlement sexuel, disons, au travail, si c'est ton patron, ça peut être difficile aussi, là. Puis c'est dommage, mais c'est difficile, c'est ton patron, tu veux pas ton collègue. Ben, c'est là encore mettre tout le fardeau sur le dos de la victime. Pis, Exactement. Est-ce que vous me donnez le droit, genre, d'être l'avocat du diable ce matin? Oh, vas-y, vas-y. Mais prends ta place. Non, mais je veux pas nécessairement péter ma coche, mais j'ai une question pour vous, puis peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, puis c'est bien correct de même, on en débattra ou quoi que ce soit. Mais est-ce que justement, de montrer ça comme ça, l'harcèlement au travail, les rassemblements, puis tout ça, c'est pas de nécessairement, à un certain point, montrer que c'est tout le temps les gars qui sont pas corrects? Je pense que de cette façon-là, c'est peut-être à cause d'une majorité de femmes qui sont victimes, si on compare les deux. Mais il faut dire que dans des rassemblements contre la culture du viol, contre tout ça, les hommes sont victimes aussi. C'est pour ça que je tiens à le préciser. C'est sûr que c'est peut-être montré que c'est toujours les hommes qui sont comme les méfrants là-dedans, mais non. Mais non, puis moi, je trouve que c'est important de le dire. Il y a des femmes qui ne le disent pas, et ça, je trouve ça aussi aberrant. Il y a des femmes qui disent, tu sais, je regardais des fois dans des manifestations, les hommes devraient se tenir en arrière. Pardon? Ouais. Pardon? Non, je suis désolée. On travaille ensemble contre ce fléau-là. Ouais. Et c'est pour ça que les hommes sont invités aussi demain à ce rassemblement-là. Les hommes, les jeunes hommes, les jeunes garçons, tout le monde est invité. On est même porté à dire en tant que tel quand on parle de ces rassemblements-là, mais c'est sous-entendu. Oui, bien c'est ça, ça touche tout le monde. Ouais. C'est que ça touche tout le monde. Et c'est sûr qu'il y a plus de femmes qui prennent le devant parce que c'est un fléau qui touche beaucoup les femmes. Je dis pas que ça touche pas les hommes. Non, non, non, non, ben, c'est sûrement c'est un bon... C'est quand même majoritairement les femmes qui sont touchées. Puis, ben, quand même, faut nuancer. Puis c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'air de dire ça dans le propos, mais quand on parle de la notion de culture du viol, on parle d'une tendance dans la société. C'est autant les femmes que les hommes. Je veux dire, je pense pas qu'il y a personne qui dit qu'il y a aucune femme qui fait du slut-shaming dans la vie non plus. Non, exactement. Là, c'est pour ça que je voulais un peu soulever le point aussi. Mais en amenant aussi cet aspect-là que, tu sais, si exemple, on se remet, nous, dans les années où on était au secondaire ou au primaire, on disait tout le temps, les gars, faites attention aux filles, les gars, protégez-vous, blablabla. Mais on disait jamais aux filles, si ça fait pas ton affaire, dis-le. C'est vrai. Mais c'est un petit peu ça aussi, moi, que la je trouve difficile. Je veux pas dire que toutes les filles sont dans le même bateau puis que tous les gars sont dans le même bateau non plus, mais tu sais, tantôt, tu disais que Denise Bombardier, elle a dit qu'il faudrait peut-être apprendre aux filles à se défendre. Et c'est pas totalement faux. Non, sauf que c'est de mettre l'accent sur ça, le problème. C'est ça. Dire, les filles, défendez-vous, les filles, vous avez le droit de dire non. Effectivement, vous avez le droit de défendez-vous. Au pire, tape-le, genre, c'est clair que ça aille. C'est pas tout le monde qui a la même, capacité non, à faire c'est les ça. Choses. Je sais, mais si tu le dis jamais à une fille, puis tu dis tout le temps à une fille, ben, si t'es pas d'accord, fais juste essayer de te tasser, ou les gars, protégez-vous, ou tu sais, tu mets tout le temps l'emphase sur le fait que c'est le gars qui va avoir la dernière réponse, ben, tu fais un petit peu dire à la fille, ben, reste là, puis attends. Mais tu sais, mettons, la fille fait 4 pieds 9, mettons, puis le gars fait 6 pieds 6, mettons. Ça veut absolument rien dire. Je comprends que ça veut rien dire, mais en tant que tel, peut-être qu'il va être capable d'aller à la... d'être, comment dire, de prendre le dessus pareil à la fin. Peut-être. Peut-être. Dans ce cas-là, la fille va avoir des marques visibles. Ça va exactement. Peut-être être plus facile. De, ça, c'est vrai. Mais de toute façon, quand on parle, entre autres, du terrible article de Mme Bombardier, son raisonnement, en fait, c'était « Ben, il y a un problème présentement d'agression sexuelle au Québec. OK. La solution à ça, c'est pas éduquons les hommes, pas sensibilisons les gens au consentement. » Puis tout, c'était... bon, ben, on va donner une canne de pepper spray à toutes les filles, puis s'il y a un gars qui se garoche sur eux autres dans une nouvelle somme avec un couteau, ils vont pouvoir le sprayer. Tu sais, comme tout le gros tas de préjugés classiques. Hein, c'est ça qui était le problème avec. C'est pas le. Je suis bien d'accord, puis tu fais bien de l'amener, Tania, l'idée que oui, il y a quand même une certaine forme d'empowerment qu'il faut donner aux femmes. Pis d'ailleurs, pas juste pour les questions d'agression sexuelle, mais c'est effectivement, il faut quand même pas penser que c'est le même discours que celui qui a été dit par les réactionnaires comme Madame. Mais c'est donc ça me fait penser. Madame Bombardier. Tu mettons, tu dis bon, la solution à ce problème-là, vu qu'il y a des agressions ou du viol, c'est qu'on devrait armer la fille. Ça fait pas un petit peu penser à l'argument des républicains que la seule façon de se protéger contre un méchant, c'est un méchant avec un gun. C'est comme il faudrait armer. Ça fait un petit peu penser à ça, je trouve. Puis dans notre société, justement, où on met l'accent sur l'éducation, sur la prévention, c'est un... Surtout en 2016, là, on dit souvent, tu sais, une société qui est éduquée, une société qui a une éducation, va être portée peut-être comme avoir un raisonnement qui est un peu plus pensé. Puis ça a été prouvé là, dans les dernières années. On l'a vu, tu sais, ça fait moins un peuple de moutons qui suit tout ça. Mais c'est un peu le même principe. Si on sensibilise les gens d'abord et avant tout, ben on peut réduire de beaucoup les agressions sexuelles. Mais je suis totalement d'accord qu'il faut dire aux femmes, t'as le droit de dire non. Ouais, c'est ton corps. Et Safia Nolin l'a dit hier, justement, au gala de la disque. Elle a fait un discours très féministe. Et 3-4 mots, là, ça voulait tout dire. T'as le droit de dire non, c'est ton corps. Ça finit là, point barre. Si le gars respecte pas ça, on a un problème. Ouais. Et il est là le problème aussi, c'est oui, il faut dire, montrer aux femmes à se défendre, à dire non, mais en priorité, il faut sensibiliser et démontrer justement que il y a des choses comme ça, c'est non. Ça se fait pas. Non, c'est ça, exactement. Sans oui, c'est non. Ça se fait pas. Puis c'est important. Ouais. Et c'est très important. Puis c'est ça aussi un peu ce qui peut être difficile. Et en disant ça, ce que Denise Bombardier a dit, ben, c'est promouvoir le fait justement que, ben, fille, si tu te fais violer, c'est de ta faute. C'est toi qui ne s'est pas défendu. Fille, t'avais juste à te défendre. C'est ça. C'est un peu dommage. Donc, je vous invite demain. Oui. Je tiens à vous le rappeler. Mardi. Mardi 1er novembre, 11h30, à l'entrée Père Marquette, à côté de les résidences. Vous allez nous voir. On espère accueillir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Gars et filles. Gars et filles. Oui, c'est important de le dire. Et des jeunes, des vieux, parce qu'on a eu plusieurs appels, des écrits aussi de monsieur, madame, tout le monde là, de Trois-Rivières, des Trifluviens, des Trifluviennes qui ne sont pas nécessairement à l'université, qui vont être là, qui vont montrer leur support, dans le fond, à tous ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et on a hâte de voir ce qui va se passer avec l'annonce du gouvernement libéral la semaine dernière. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec les associations étudiantes et tout ça. Parce qu'il y a du chemin à faire, il y a du travail à faire, puis il faut pas dire, justement, que ça n'existe pas. Voilà. Très bien dit. Merci, Valérie Deschamps. Merci à Sébastien Vigartin aussi pour ta participation à la chronique d'aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine, Valérie. La semaine prochaine, lundi, encore à 7h30. Oui. On écoute Claude Pelgag. Voici samedi soir à la violence, parce que ça fait chier. J'entends souvent cette voix. Je les entends toujours, tu vois. Des éclats de rire figés par le froid. Ils me blessent maintenant. Que tu ne te souviens plus comment. samedi soir à la violence Clopelgag dans Assemblage requis ce matin. Au retour, c'est Alassania Kouy et son bus magique. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage requis, on se lundi 31 octobre, oui, 2016, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, on a peur, aujourd'hui on a peur de tout. Mm-hmm. On a peur de tout. On reçoit quelqu'un qui ne fait pas peur, mais des fois il faut pas avoir peur d'apprendre, tu comprends? C'est vrai. Ouais. Donc c'est Alassania Kouy, voici le bus magique. Seigneur, bonjour à toi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Bien. Oui, je vais enlever les sons de peur dans quelques instants. C'est le spécial Halloween aujourd'hui. C'est pas mal tout ce qu'on a comme dépeurant jusqu'à maintenant. Oui. À part le viol. Oui. Ça fait peur ça aussi, mais on en parlera plus. Et la grippe. Et la grippe, et le rhume. Et le rhume. C'est ce qui t'atteint, toi, aujourd'hui, à la Sania. Mais avant de parler de rhume, pour revenir sur la chronique de la semaine passée, tu parlais de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et ça t'a rappelé quelque chose que t'aurais dû mentionner ou t'aurais pu mentionner, disons. Oui, absolument. Ça m'a rappelé une vieille émission télé qui est passée sur France 3 ou France 2, je ne me rappelle plus. L'émission s'appelle Zone Rouge. Puis c'est toujours possible de la visualiser sur YouTube. C'est une émission qui montre vraiment l'effet du stress sur les battements cardiaques et plus exactement lorsqu'on nous pose une question qui nous échappe ou sur un domaine dans lequel on n'est pas confortable, on voit le battement cardiaque qui augmente. L'émission est simple, on pose des questions aux participants qui sont reliées à un électrocardiogramme et on visualise leur battement cardiaque. Puis on voit vraiment que des fois quand le candidat semble connaître les réponses, le battement cardiaque est normal et quand la question est plus difficile, on voit vraiment des pics et pour gagner, il faut toujours rester dans la zone indiquée, ne pas dépasser la zone rouge et avoir bien sûr la bonne réponse. C'est génial comme quiz. En ce moment, sur la télé britannique, sur ITV, il y a 1000 Heartbeats. C'est un peu le même principe, sauf que sur la scène, il y a un orchestre qui joue de plus en plus vite, puis ton battement de cœur va vite, puis qui joue plus lentement. C'est vraiment cool d'avoir un orchestre en studio pour ce quiz-là. Bref, parenthèse faite, c'était bien intéressant. Aujourd'hui, cette semaine, on parle... de quelque chose de complètement différent, c'est le rhume. Oui, de rhume et de grippe. On va parler de pourquoi est-ce qu'on tombe plus souvent malade pendant l'hiver. C'est quoi la différence entre la grippe et le rhume? H1N1, ça veut dire quoi exactement? C'est pas un code postal du Père Noël. Non, absolument pas. Et puis finalement, on va parler du vaccin. C'est quoi? On va pas dire qu'il faut se faire vacciner ou qu'il faut pas se faire vacciner, mais on va parler c'est quoi le vaccin, c'est quoi le principe et aussi comment on détermine les souches pour faire le vaccin. Mmh. Eh bien, ça devient un effet fatidique, mais c'est comme la chute des feuilles des arbres. C'est presque immanquable. C'est presque immanquable. Dès que le thermomètre commence à chuter, on voit les gens qui toussent, les nez qui coulent, on éternue. Bref, on tombe beaucoup plus souvent malade l'hiver que les autres saisons. Ça ne veut pas dire que pendant l'année, on ne peut pas attraper la grippe ou le rhume. Mais l'hiver, c'est beaucoup plus fréquent. Et on se demandait toujours pourquoi c'est cette saison-là. Et il semblait vraiment difficile à croire que les scientifiques... Jusqu'à les 5 à 10 dernières années, n'avait pas vraiment beaucoup d'informations sur pourquoi est-ce qu'on tombe malade. Il y avait des théories, par exemple, que quand il fait froid, les défenses de l'organisme sont beaucoup plus faibles. Quand il fait froid, comme on avait dit, je ne me rappelle plus, la semaine passée ou celle d'avant, que c'est le nez et les mains qui... La semaine passée, les extrémités, qu'on dit. Oui, c'est les extrémités qui sont plus froides, qui sont les premières à être marquées par le froid, parce que les vaisseaux sanguins, ils sont en vasoconstriction, et on croyait que parce que les vaisseaux sanguins du nez étaient en vasoconstriction, donc il y a moins de vasoconstriction, ça veut dire que le diamètre des vaisseaux sanguins diminue. Donc, il y a moins de sang qui arrive vers le nez. Quand on dit moins de sang, moins de globules blancs, qui est normalement, qui sont les premières barrières qui attaquent les germes. Donc, si on n'a pas beaucoup de globules blancs, les germes ne sont pas attaqués au niveau du nez avant qu'ils n'arrivent un peu plus bas dans le système respiratoire. Ça, c'était une théorie. Ça veut dire qu'il faut l'oublier parce que c'est pas ça. Non, ça veut pas dire qu'il faut l'oublier. Ça veut dire que c'est impliqué, mais c'est pas ça vrai. Mais c'est pas ça la raison principale. Aussi, il y avait une théorie qui disait que pendant l'hiver, on reste plus à l'intérieur. Ouais. Juste un exemple, quand vous attendez le bus l'été, vous n'êtes pas dans l'abribus. Quand vous attendez le bus l'hiver, vous êtes dans l'abribus. Donc, pas seulement on reste à l'intérieur, on se confine, mais on est plus en contact avec les gens. Il y a beaucoup plus de gens qui restent dans l'abribus. Ça, c'est juste un exemple. Donc, on respire beaucoup plus de germes, ouais, etc. Celle-ci, c'était une théorie. La dernière théorie était que pendant l'hiver, comme on s'habille trop, on est couvert, donc moins de chair est en contact avec le soleil, moins de vitamine D, puis le vitamine D a été aussi impliqué dans le renforcement du système nerveux. Donc tu dis qu'on s'habille trop l'hiver. Oui, on s'habille beaucoup. On devrait en mettre moins et avoir un petit peu froid. On devrait laisser des fois nos extrémités en contact avec le soleil pour quelques temps. Okay. Mais tout ça, c'était des théories. Ça prouvait vrai. Il n'y avait pas d'effet de causalité qui a été prouvé. Mais pendant les dernières années, 5 à 10 dernières années, il y avait une étude qui a été faite. Puis en comparant entre les pics d'épidémie de grippe et ou de rhume et les pics de température. Et on avait remarqué que plus l'air est sec, plus les épidémies sont en pic. Alors, la réponse était toute simple, elle était là. Devant nous, et elle était dans la thermodynamique. Quand il fait chaud, l'air est beaucoup plus humide. Donc, quand tu éternues ou que tu tousses, on éjecte des particules, des cellules mortes, des virus, des bactéries, etc. Et ces particules-là, elles restent coincées dans les particules d'eau qui sont en suspension dans l'air humide. Donc, avec ça, elles ont beaucoup moins de chances de voyager longtemps. Elles ont beaucoup moins de chances de rester longtemps dans l'air. Et souvent, elles finissent par être coincées sur des surfaces. Ce qui veut dire qu'on avait moins de chances de les attraper et d'être malade. Mais quand l'air est sec, les particules qu'on éjecte en toussant, en éternuant ou juste en parlant, elles sont brisées sous l'effet de l'air sec et par ce fait-là, elles peuvent voyager plus loin et elles restent beaucoup plus longtemps dans l'air. Donc, quand il fait froid, puisque l'air est sec, on respire toujours un cocktail de virus, de bactéries et de cellules mortes, ce qui fait qu'on a plus de chances d'être malade que par un climat humide. Wesh, penser à ça, c'est un peu dégueulasse. Oui. Mmh. Oui. Ben, ça, c'est général pour toutes les maladies qui sont transmises par voie respiratoire. Maintenant, c'est quoi la différence? C'est quoi vraiment la grippe? La grippe ou le virus de la grippe, c'est un virus qui attaque les voies respiratoires et c'est un virus qui a fait le saut de l'espèce. C'est-à-dire, au début, il était juste pour l'espèce aviaire. Les oiseaux, les oies, canards, poulets, etc. Puis après, il y a eu une souche porcine. Et après, on parle de grippe humaine. Mais là, c'est pas juste les 100 dernières années. C'est vraiment une évolution qui a été sur un long moment de l'histoire. Et quand on dit saut de l'espèce, pourquoi est-ce qu'un virus fait le saut de l'espèce? C'est à cause d'un changement dans le comportement animal et ou humain. Puis là, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'années, des décennies, des siècles pour qu'un virus réussisse à se transformer, mettant d'une espèce à une autre espèce. On entend souvent la grippe H1N1, H9N2. C'est le H et le N. Il faut savoir que le H et le N, c'est juste des protéines virales. C'est comme des marqueurs de ce virus-là ou des empreintes de ce virus-là. La première protéine, qui est H, elle est indispensable pour la reconnaissance cellulaire. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du système serrure-clé. Bien, serrure-clé, ça, c'est le quotidien de tous ceux qui sont en médecine ou en biologie cellulaire ou en biologie moléculaire parce que ça marche toujours par serrure-clé. Donc, disons que le H, c'est la clé du virus pour trouver la serrure qui est les cellules humaines à infecter. Le N, c'est aussi une autre protéine qui est indispensable à virus, qui lui permet de sortir d'une cellule qu'il a infectée. Vous savez, le virus, il va rentrer dans une cellule, il va se multiplier, puis normalement, il devrait sortir pour aller infecter d'autres cellules. Donc, le H, il lui permet d'entrer dans la cellule, et le N, il lui permet de sortir de la cellule. Ces deux protéines, c'est des protéines indispensables, et ce sont ces deux protéines-là qui sont visées par les médicaments, les antiviraux, pour combattre la grippe. Vous l'aurez deviné, quand on a la grippe, on ne donne pas normalement des antibiotiques parce que les antibiotiques sont destinés à détruire des structures de bactéries. Les virus et les bactéries n'ont pas les mêmes structures, donc on utilise une autre sorte de médicament, un autre produit chimique pour tuer les virus, donc attaquer des structures fondamentales du virus, entre autres, par exemple, H1N. Pourquoi est-ce qu'on dit, des fois on entend dire que le vaccin de l'année dernière n'est pas efficace cette année, ou si j'ai attrapé la grippe et que j'ai produit des anticorps, pourquoi est-ce que l'année d'après je peux encore attraper la grippe, mes anticorps, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, des anticorps, malheureusement, ils sont souvent plus efficaces l'année d'après parce que c'est un virus qui change extrêmement, qui subit des mutations, qui est modifié constamment. Quand on dit la grippe est vraiment forte cette année, c'est parce que c'est pas la même grippe qu'avant non plus. C'est pas la même grippe. Oui, c'est pas la même grippe qui était l'année dernière. Pourquoi? Pour comprendre ça, il faut comprendre le génome du virus. Je vais vous épargner tous les détails techniques, mais il y a des virus qui sont des virus à ADN. Nous, on a notre ADN. Et il y a des virus qui sont des virus à ARN. Et c'est ça qui fait la différence. Quand c'est un virus ARN, c'est un virus qui a beaucoup plus de chances de changer. Parce que lui, pour qu'il se multiplie dans la cellule, premièrement, il doit changer son ARN en ADN. Pendant ce changement-là, il y a beaucoup d'erreurs qui se produisent. Et le virus n'est pas équipé pour corriger ces erreurs-là. Nos cellules aussi, quand elles se multiplient, il y a des fois des erreurs qui sont faites dans la multiplication. Mais nous, heureusement, on a c'est comme des chiens de garde qui guettent ces erreurs-là et qui peuvent les rectifier. Les cellules n'ont pas ça. C'est pour ça qu'ils changent. C'est pas parce qu'ils sont intelligents ou parce que... Mais c'est des erreurs qui se produisent, c'est fatidique. C'est comme impossible qu'un virus ARN ne change pas. Parce qu'à chaque fois qu'il va se multiplier, il va y avoir des erreurs qui se produisent, ce qui va faire qu'on va avoir un virus avec une nouvelle sorte de N ou une nouvelle sorte de H. Il y a 9 protéines N et 16 protéines H. Fait qu'avec la combinaison, on peut avoir une multitude de variétés de virus. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on dit que le virus, il change souvent. Une autre raison, par exemple, on peut être infecté par 2 virus de la grippe. On a la grippe, mais on a 2 virus différents. En même temps? En même temps. Quand ces 2 virus-là rentrent dans la même cellule, ils peuvent s'échanger des fragments de leur ARN. Ce qui va faire qu'on va avoir un 3e virus avec une partie du virus 1 et une partie du virus 2. 3e exemple, des fois, on peut avoir un virus aviaire qui attaque les oiseaux et un virus porcin. Et il peut arriver qu'un porc qui a le virus porcin soit infecté par le virus aviaire. Et ces 2 virus-là qui vont rentrer dans la même cellule, il faut vraiment qu'ils soient dans la même cellule, vont s'échanger des fragments aussi de leur ARN, ce qui va produire un nouveau virus qui a une partie du porc et une partie du virus aviaire, comme ce qui s'est passé avec le H1N1. Ah ben. Donc, ce qui fait que c'est un virus qui change extrêmement et qui change vite. Ce changement est presque inévitable. C'est pour ça que si on prend le vaccin, il faut prendre le vaccin chaque année parce que ça serait vraiment fou de se dire « Oh, moi, je me suis fait vacciner l'année dernière. J'ai pas eu la grippe, donc cette année, je vais être protégée contre... » On l'entend un peu quand même des fois. Les gens ne savent pas. Non, ils ne le savent pas parce que c'est vraiment des technicalités qui... Je dirais pas qu'il dépasse monsieur et madame tout le monde, mais il faut vraiment avoir une base en biologie moléculaire pour comprendre le fonctionnement du génome du virus, parce que c'est vraiment le génome qui explique ces changements-là. Des fois, on dit « Ah, j'ai la grippe » ou « Ah, j'ai le rhume ». On ne sait pas c'est quoi la différence entre les deux. Ben, les deux, c'est des virus. OK. Sauf que le virus du rhume est beaucoup plus atténué que le virus de la grippe. La grippe, c'est ce qui t'empêche de fonctionner, de te lever de bouquin, non? Oui, okay. Absolument. Le rhume, quand c'est un rhume normal, ça peut, c'est le rhume que tout le monde tousse. Oui, on a mal à la tête, on a un peu de fièvre parce que, bien sûr, l'organisme, il combat le virus. On a des... mal aux muscles, sinon ça, c'est la grippe? Oui, oui. Non, mal aux muscles. Okay. Juste une parenthèse, c'est bien que tu aies signalé ça. Pourquoi est-ce que quand on a la grippe ou quand on a le rhume, on a mal à la tête, puis c'est nos muscles qui nous font mal, tous les muscles nous font mal? C'est pas à cause des sinus? Non, parce que c'est à cause du fameux système clé-serreux. C'est vrai que la grippe, le virus de la grippe et le virus du rhume, ce sont des virus qui attaquent le système respiratoire supérieur, mais leur clé est reconnue par des serrures qui sont aussi sur nos muscles. Fait que c'est pour ça qu'ils vont rentrer dans le système, dans les muscles du système respiratoire et on va tomber malade. Et ils vont aussi rentrer dans nos muscles. Et c'est pour ça qu'on va avoir des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires un peu partout. Ça rend pas malade le système musculaire, mais ça va envoyer quand même des signaux de douleur, parce que les signaux de douleur, ça vient de quand des cellules sont détruites sous l'effet de l'attaque du système immunitaire des virus. C'est pour ça qu'on va avoir de la douleur, mais ça, c'est pas une maladie du système musculaire. Mais okay. Reste que c'est... C'est pas le fun pareil, oui. Donc, comme je disais, la différence entre le rhume et la grippe, premièrement, c'est la différence du virus, c'est pas le même virus. Et deuxièmement, c'est que le virus du rhume est beaucoup plus... est moins grave que le virus de la grippe. Pour les gens normaux, bien sûr. Oui, ceux qui ont un système immunitaire faible, les deux sont dangereux, oui, j'imagine. Absolument. Les gens qui ont un système immunitaire faible, les asthmatiques chroniques, les gens qui font des bronchites à répétition, les nourrissons. Sinusites, dans mon cas. les femmes enceintes, les diabétiques, bref, tous ceux qui ont... les gens qui ont des maladies cardiaques, tous ceux qui ont un système... un corps déjà affaibli par une maladie chronique. Ceux qui ont eu la mono quand ils étaient jeunes. Ça a-tu du sens, ça? Nous deux, on a eu la mono, on est pas mal plus sensibles à ça, je pense. C'est sûr? C'est pas le même virus. Ah, okay. Pas la même chose. Ah. Mais plus fatigué, par exemple. Plus fatigué. Ouais. Ben, le stress aussi, dont on parlait la dernière fois, le stress, il affaiblit le système immunitaire. Le froid aussi, il affaiblit le système immunitaire. Fait que dès qu'on est dans une situation qui met le corps au stress, c'est-à-dire une condition anormale, une condition qui favorise le déséquilibre, donc ils ont le rhume va être un peu plus marqué que chez les personnes normales. Maintenant, pourquoi des fois, même quand tu as le rhume, le médecin te prescrit des antibiotiques? On avait dit tantôt que les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Ben, parce que souvent, ça commence par un rhume, mais ça se complique par une infection bactérienne. C'est pour prévenir? C'est pour prévenir. Mais généralement, maintenant, on ne donne plus... Normalement, avant, c'était pour prévenir. Maintenant, on ne donne plus d'antibiotiques pour prévenir parce à cause des résistances, on essaie de donner le moins d'antibiotiques possible. Fait que c'est vraiment lorsque ça se complique en infection bactérienne, et souvent, c'est le pneumocoque qui est impliqué, c'est là qu'on va donner des antibiotiques. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a plus de chances de voir des complications bactériennes? Tout simplement parce que quand tu as le virus, il déséquilibre un peu l'harmonie qui est dans le système respiratoire. Donc, le système immunitaire, il combat déjà sur un front, il essaie de combattre le virus. Les bactéries opportunistes qui guettent juste le moment pour voir un déséquilibre, c'est là qu'elles ont plus de chances de surgir et c'est là qu'on peut avoir des pneumocoques après un simple rhume. Des bactéries opportunistes. Est-ce qu'il y a des bactéries narcissiques? Non. Comme ça. Mais en fait, les bactéries opportunistes, ça, c'est pas un terme personnel. Vraiment, dans la littérature médicale, on parle de bactéries opportunistes. OK, t'étais pas méchante contre elles, t'essayais pas de les blaster. Non, c'est vrai. Okay. C'est, les bactéries opportunistes, ce sont des bactéries qui attendent une situation où le système immunitaire est affaibli pour surgir. Ouais. Donc, comme on l'a bien vu, grippe ou rhume, ce sont des virus, mais il y a un vaccin contre la grippe et pas un vaccin contre le rhume. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Oui, parce que le rhume est beaucoup plus... On peut juste passer au travers en une semaine ou deux? On peut passer à travers, même sans prise de médicaments. Il faut juste bien s'hydrater, prendre beaucoup de vitamine C, beaucoup de repos. Ouais. Pourquoi beaucoup de repos? Parce que quand tu te reposes, tu donnes un petit coup de pouce à ton système immunitaire. Donc, il peut combattre beaucoup plus efficacement quand on se repose. S'il n'y a pas de surcomplications d'un rhume, on peut passer au travers vraiment sans prendre des médicaments. Mais quand on dit de repos, ce n'est pas un ou deux jours. Il faut vraiment prendre minimum une semaine de repos ou pas de stress, pas d'activité ça physique. Ça se fait, ça. Ouais, dans le meilleur des mondes. Ah ben. Ce qui nous mène maintenant au fameux vaccin. Vous me direz, mais là, tu viens de dire que les souches de l'année dernière ne sont probablement pas les mêmes de l'année qui s'en vient. Alors, comment on fait pour déterminer le vaccin? Cette lourde tâche repose sur les épaules de l'OMS. Okay. C'est l'Organisation mondiale de la santé et elle seule qui détermine les souches, juste pour être sûr qu'on ne va pas avoir de contradictions ou des gens qui vont dire... Si on laisse ça au laboratoire, chacun va déterminer les souches qui vont. Voilà, pieuvre qui mène tout dans des sens différents. Mais donc, tu me dis, Organisation mondiale de la santé, oui. Voulant dire que c'est le même rhume, la même grippe pour toute la planète? Non. Non. C'est le même rhume, la même grippe pour un hémisphère. Ah! Parce que les saisons... Ben oui, le contraire. Les saisons d'hiver, oui, ne sont pas les mêmes. Donc, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui détermine quelle souche virale il faut utiliser pour faire les vaccins. Donc, tous les endroits où c'est l'hiver ont la même grippe à ce moment-ci de l'année. Ah oui, normalement. Bon. Et puis, comment elle fait pour ça? L'hiver d'un hémisphère, l'Organisation mondiale de la santé, ils font des études épidémiologiques et des recherches pour voir quelles sont les souches qui sévissent en ce moment-là, pendant cet hiver-là, dans cet hémisphère-là. Donc, disons, en Australie, l'hiver qui vient de se terminer. Oui, ce sont les souches qui ont été observées pendant cet hiver-là qui vont faire la base des vaccins qu'on va utiliser pour notre hiver dans notre hémisphère. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche chaque année. Pourquoi? Parce qu'on suit aussi le flux migratoire des oiseaux. On avait dit que c'est aviaire, c'est les oiseaux qui transportent quand ils migrent. À Trois-Rivières. Donc, on suit le flux migratoire des oiseaux et puis on suit les saisons d'hiver selon les deux hémisphères pour déterminer les souches à utiliser pour les vaccins pour l'hiver qui s'en suit. Est-ce qu'on va y trouver un petit nom avec un H puis un N, comme tu as dit tantôt? Souvent, oui, parce que c'est... on le dit pas aux gens, mais c'est... on le dit au laboratoire parce que c'est les H et les N, ce sont des protéines qui sont essentielles pour le cycle du virus. Donc, on doit vraiment viser ces protéines-là pour faire le vaccin. Mais pourquoi est-ce que dans les médias, on a parlé de la H1N1 et de la H9, peu importe, mais on ne parle pas à toutes les années de ces caractéristiques-là? Parce que ce sont des épidémies qui sont particulières. C'est vraiment des... Comme j'avais dit, le H1N1, on n'avait pas de vaccin avant contre le H1N1. Ah ouais. On ne savait pas qu'on allait avoir cette épidémie-là, parce qu'il y avait aussi une recombinaison entre un virus aviaire et un virus porcin. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on avait beaucoup parlé de H1N1, parce que c'était nouveau, on n'avait pas vu ça auparavant. Mais des études ont prouvé que pour l'émergence de nouvelles souches, il y a souvent des ressemblances dans les protéines de surface dont je viens de parler avec des souches qu'on avait vues auparavant. Par exemple, le H1N1, on avait découvert, mais bien après l'épidémie, que ça avait des ressemblances avec la grippe espagnole de 1918. Ah ouais. Oh. Des fois, ces ressemblances-là dans les protéines de surface peuvent faire en sorte que nos anticorps peuvent aussi détecter ces protéines-là. Donc, c'est pour ça que certains disent que c'est essentiel. Ben, c'est essentiel, c'est très important de vacciner, même si pour certaines grippes qui sont vraiment très dangereuses, Si tu n'as pas cette grippe-là, au moins s'il y a une réémergence d'une nouvelle souche grippale qui a des protéines, avec un virus qui a des protéines de surface qui ressemblent à cette grippe-là, fait que tu as beaucoup de chance d'être protégé. J'ai réussi à éternuer juste à côté oui. pendant que tu parlais. Ben merci! Je sais pas si c'est une grippe ou un rhume qui s'en vient. On sait pas! On sait pas! Donc, je vais pas faire le procès des vaccins, mais ça a été prouvé que le vaccin peut s'avérer efficace, surtout pour des personnes qui ont des maladies chroniques, comme les diabétiques, comme les personnes cardiaques, comme les asthmatiques chroniques, parce que ça peut les aider à passer au travers de la grippe. Le vaccin, la sorte du vaccin, c'est un vaccin... pour dire. Le virus est tué, le virus n'est pas vivant. Donc, on tue le virus et on vise, comme j'avais dit, juste les protéines de surface, surtout le H, comme j'avais expliqué que le H permet au virus de reconnaître la cellule et puis de rentrer. Donc, si on donne à l'organisme des anticorps, si on permet à l'organisme de fabriquer les anticorps qui vont détecter et attaquer la clé qui va permettre de rentrer dans la cellule, dans la serrure. Donc, le virus, il ne va pas rentrer dans la cellule. Si le virus ne rentre pas, il va finir par juste être dégradé et finalement, on ne va pas avoir la maladie. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui attrapent quand même la grippe, même s'ils sont vaccinés? Il y a beaucoup de raisons. Ça se pourrait qu'ils ont été en contact avec une grippe qui est une souche différente des souches pour lesquelles ils ont été vaccinés. Ça pourrait dire que le vaccin n'a pas marché. Et si on a beaucoup de cas où le vaccin n'a pas marché, là, il y a des études qui se font sur le lot de vaccins pour voir est-ce que c'est un problème de production ou est-ce qu'il y a un problème... La faute de l'OMS. Ouais, mais malheureusement, on dit rarement que c'est la faute de l'OMS. pas parce que je vais être gentille avec l'OMS, mais c'est parce que c'est pas une seule personne qui fait l'étude, c'est plusieurs études épidémiologiques qui sont faites un peu partout dans le monde. Et il y a une concordance de ces études-là, une compilation de ces résultats pour trouver les souches qui sont les plus probables pour causer la grippe. Encore là, on dit les souches les plus probables. C'est vraiment impossible de déterminer à 100% c'est quelle souche qui va émerger, comme c'est impossible de prédire à l'avance la réémergence de nouvelles souches. C'est pour ça que il faut toujours être prudent. C'est pour ça qu'on ne donne pas de... Quand je dis qu'il faut toujours être prudent, je parle des institutions qui donnent des... qui sortent avec des communiqués, on dit les plus probables, on dit plus de chances, on ne parle jamais de certitude à 100% parce que... Vous n'aurez pas la grippe, on dit c'est pas ça. Scientifiquement parlant, on ne peut pas garantir la certitude de ne pas avoir la grippe. Mais c'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien, oui, absolument, c'est mieux que rien. Ben, ça met fin à ma chronique. J'espère que je vous ai apporté quelques informations, au moins pour différencier c'est quoi la grippe, c'est quoi le rhume et pourquoi il ne faut pas prendre des antibiotiques à chaque fois qu'on sent qu'on a mal à la gorge ou qu'on a le nez qui coule. Ouais. Tu nous as postillonné ta chronique d'en face. On est tout plein de mucus, d'informations et de renseignements sur le rhume. Ah, c'est génial. Et toi, ton rhume, personnellement, t'es en train de t'en remettre? Oui, ça va beaucoup mieux. Mais moi, je me dis que si j'avais pris le temps de me reposer pendant une semaine, mais c'est un luxe c'est un luxe que je ne pourrais jamais m'offrir. Mais ça va super bien. Donc, je survis. Tant mieux. Et tu bois beaucoup d'eau. Ben, alors, t'as pas bu depuis le début de la chronique, mais quand même. Quand même, j'essaie de boire beaucoup d'eau. C'est difficile de faire de la radio. Ah, c'est ça. Donc, on te retrouve à partir de cette fois-ci. On va être aux deux semaines au lieu d'être aux semaines. Exactement. Donc, pour se reposer un petit peu entre-temps, entre les chroniques, on aime ça. Donc, on se retrouve dans deux semaines, lundi matin à 8h. Merci à la Seigneur. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Le bus magique. On va écouter s'il y a une pièce de Fred Fortin, parce que je me suis dit, tu sais, quand t'as le rhume ou la grippe, ça finit par te gratter dans la gorge. Hein? Mm-hmm. Voici Fred Fortin et gratte. Oh! Ensemble, le lien vraiment, c'est très mince. Ah, oh, très très mince, Mathieu. Très très mince. J'ai passé l'hiver à passer la gratte. J'aime mieux passer du temps avec la gratte que de passer l'hiver à gratter tout seul. J'ai dur avec la gratte. C'était Fred Fortin avec la pièce Gratte à Assemblage requis. Au retour de la pause, Tania Baudin et la chronique de sport, sport et filoché. Oui. À Assemblage requis. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Octobre 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Et c'est le moment de parler de sport comme on le fait tous les lundis matins. On fait tous les lundis matins, ça dépend des semaines. Là. Mais là, c'est le lundi matin. On va faire un résumé de tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière dans ce qu'on appelle Sport et Filoché. Du côté de l'UQTR, que ce soit sur la route ou encore ici même à Trois-Rivières. Ça l'a joué beaucoup du côté du soccer et du hockey, donc c'est un petit peu de quoi qu'on va parler, mais on va aussi aborder le cross-country parce qu'il y avait le championnat provincial RSEQ. Donc, on va bien évidemment faire le retour sur ce qui s'est passé pour nos athlètes. Du côté du soccer, bien vendredi, ça jouait du côté de l'Université Laval. Donc, l'équipe féminine a malheureusement perdu 5-0 contre l'Université Laval. L'Université Laval qui, du côté féminin, sont les premiers de la Ligue. On le sait, ça a été une saison quand même assez difficile pour nos athlètes féminines du côté du soccer. Donc, que de rencontrer l'équipe qui est au premier rang, ça a été quand même un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, ça a quand même bien terminé au courant de la fin de semaine. Vendredi, du côté du sport masculin, encore une fois contre l'Université Laval, on a fait égalité. C'est un petit peu ce qui est plate du côté du soccer. Ça fait quelques fois qu'on en discute, mais lorsqu'on joue un match de soccer, ça peut terminer 0-0. On le sait, il y a certains partisans qui viennent au match qui nous le disent. C'est plate, il n'y a pas personne qui gagne. Mais oui, ça finit même. OK, bon, on change les règles du soccer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, sachez-le. Et on a quand même des points si on fait un match nul. Donc, nos joueurs restaient au premier rang à la suite du match de vendredi. Mais ça l'a aussi joué ici même à Trois-Rivières pour ce qui est des deux équipes de l'UQTR au soccer. Donc, dimanche, hier, ça l'a joué du côté du stade Gilles Doucet au séminaire Saint-Joseph. Du côté féminin, on a eu une défaite. Par contre, défaite de 2-1 contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Le match a mis fin à la saison d'automne de l'équipe féminine des Patriotes. Par contre, un match qui a très bien été joué. C'est comme la première fois cette saison que les filles ne jouaient pas sous la pluie ou encore sous un extrême froid. Donc, j'ai comme l'impression que ça l'a porter fruit, ce fameux temps qui était de notre côté hier. Beau match de soccer. Les filles ont très bien joué sur le terrain. On a vu aussi encore quelques changements du côté de l'alignement partant. Certaines filles qui étaient sur le terrain qui n'étaient pas nécessairement partantes dans d'autres matchs. Donc, de ce côté-là, ça a super bien été pour les filles. On a vu aussi d'autres filles voir souligner leur dernière saison avec les Patriotes parce qu'on le sait, après les études, bien souvent, on ne peut plus participer au sein de l'équipe universitaire. Donc, 5 filles ne seront pas présentes lors de la prochaine saison qui va commencer en janvier janvier 2017. Ah, c'est une nouvelle saison qui commence en janvier. C'est, ah ben. C'est une prochaine, ouais, une prochaine saison qui va commencer en janvier 2017. Si je me souviens bien, on va avoir une partie qui va être à l'intérieur, bien évidemment. Mais donc, on va perdre 5 joueuses qui étaient là depuis quelques années, qui sont je suis comme le goût de dire des piliers quasiment ouais. au sein de l'équipe. On voyait justement le travail que ces filles-là faisaient, entre autres la capitaine qui va quitter pour la saison prochaine. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de l'équipe féminine au soccer. Est-ce qu'on va aller chercher d'autres joueuses? Est-ce qu'on va travailler plus fort du côté des joueurs? On ne sait pas encore, donc on va vous tenir au courant de tout ce qui va se passer de ce côté-là. Il y avait aussi l'équipe masculine qui jouait au stade Gilles Doucet en fin de semaine. Hier, match nul encore une fois, 0-0 contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Par contre, sachez-le, ce match qui est terminé nul, 0-0, a amené l'équipe de l'UQTR des Patriotes aux séries. Donc, ça commence ce vendredi. Si jamais ça vous intéresse, c'est le premier match des séries qui va avoir lieu encore une fois au stade Gilles Doucet, ici à Trois-Rivières. L'heure va être à déterminer, donc faites un tour sur la page Facebook des Patriotes de l'UQTR si jamais c'est quelque chose que vous voulez savoir. Ça devrait être un match très, très fort. On va commencer les demi-finales par la suite. Ça devrait se poursuivre dimanche. Et là, à ce moment-là, on va savoir si ça va jouer ici à Trois-Rivières ou ailleurs, tout dépendant des résultats des matchs de vendredi. Donc, comme je le disais, pour savoir l'heure à laquelle le match va avoir lieu, allez faire un tour sur la page Facebook. Vous allez avoir toutes les informations pour ça. On a parlé du cross-country. Nos athlètes étaient du côté de Sherbrooke en fin de semaine pour le championnat provincial RSEQ qui se déroulait à Sherbrooke. Nos équipes ont terminé au 4e rang pour l'équipe masculine et au 5e rang pour l'équipe féminine des universités québécoises. Donc, 3 patriotes qui ont terminé dans le premier tiers des coureurs. Entre autres, Marc-Antoine Sénéville qui a terminé 11e, Nicolas Gilbert a terminé 27e et Chloé Gervais-Pépin qui a été à quelques reprises Patriote de la semaine. Depuis quelques temps, cette session-ci a terminé 27e. Donc, on félicite toute l'équipe. C'est ce qui mettait fin aussi, si je me souviens bien, à la saison, puisque c'était le championnat provincial. Mais sinon, inquiétez-vous pas, je vais vous revenir avec toutes les informations lorsque ça va sortir sur le site des Patriotes. Parce que le lundi, bien, on fait plutôt les statistiques du côté des Patriotes. On essaie de voir qui vont être justement les Patriotes de la semaine. Donc, demain, je vous reviendrai avec qui sont les Patriotes de la semaine, parce que c'est pas encore sorti aujourd'hui. Ben. L'équipe d'hockey était aussi sur la route vendredi, donc victoire des Patriotes par la main. Non, il était pas sur la route, pardon, il était ici à domicile, c'est samedi qu'il était plus ou moins sur la route, vous allez comprendre. Mais victoire des Patriotes par la marque de 5-3 contre le Windsor de Lancers. Une victoire qui était attendue. Hein. Ça fait quelques fois qu'on disait que les Patriotes au hockey avaient peut-être un petit peu plus de difficultés quant au fait qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient nouveaux. Donc, peut-être difficulté de communication sur la glace ou quoi que ce soit. Mais les Pats, c'est les Pats. Donc, on sait que ça se relève les manches assez rapidement. Et, ça retombe vite sur leurs pattes, ça. Très bien fait, très merci, bien merci. Fait. On voit justement cette attaque remonter de mieux en mieux. Samedi aussi, je le disais, ils étaient quasiment sur la route, on ça sait veut dire pas trop. Quoi, ça? C'est parce qu'en fait, les Patriotes ont joué à l'Arena Roland-Rault à Bécancour. Ce qui est proche, mais. Ce qui est proche, mais. Pas trop bien. C'est ça, ce qui n'est pas Trois-Rivières, ce qui n'est pas nécessairement non plus l'aréna de Windsor. Donc, on se demandait pourquoi est-ce qu'ils jouaient du côté de Bécancour. Écoutez, j'ai pas encore de réponse à vous donner. On ne sait pas si c'était tout simplement peut-être un manque d'accessibilité à la glace samedi du côté de l'aréna de Trois-Rivières. Ouais. On ne sait pas encore. Mais bon, les gens de Bécancour ont peut-être été voir les Patriotes et encourager nos Patriotes. Donc, malheureusement, les Patriotes ont été vaincus par les Windsor Lancers par la marque de 6-5 samedi. On a eu plusieurs buts, bien évidemment, 5 buts. Giroux en a compté 2, Marcoux, Morin et Baudry ont été les marqueurs du match. Sachez-le, le prochain rendez-vous va être mercredi, donc le 2 novembre, ici même, à Trois-Rivières, face aux Redmen de McGill. Donc, cette rivalité va prendre fureur dans l'aréna mercredi, ici même, à Trois-Rivières. C'est ce qui fait le tour de ce qui s'est passé durant la fin de semaine pour nos Patriotes de l'UQTR, mais ça a aussi beaucoup bougé du côté des sports locaux, entre autres du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, bien, on a signé notre premier gain de victoire pour le Blizzard. On le sait, ça fait depuis le début de la saison, c'est difficile. Ça a commencé quand cette saison-là, en septembre? Ça a été très, très difficile. On a changé plusieurs joueurs, on a fait plusieurs échanges au sein de l'équipe. Entre autres, récemment, on a eu un changement d'entraîneur-chef avec un changement d'entraîneur adjoint. On l'a acquise, cette victoire-là, pour le Blizzard de Trois-Rivières. On a défait les Prédateurs à Laval au compte de 8-4. Donc, très belle victoire quand même. Une victoire d'équipe qui permet à tout le monde de pousser un soupir de relâchement. Et la troupe de l'entraîneur Bob Desjardins a pris les devants 2-0 en première période sur les buts de Stéphane Boileau. Un joueur qui était très important durant les dernières années. Il était capitaine, entre autres, de l'équipe. Par la suite, on a eu un échange qui a fait en sorte que Stéphane Boileau a quitté. Mais là, cette année, on a repris Stéphane Boileau et ça, on dirait que ça fait justement son charme au sein de l'équipe. On a comme l'impression que les gars ont peut-être plus cette victoire à cœur, justement, et aussi le travail d'équipe à cœur avec le retour de Stéphane Boileau. Alors, on va voir comment ça va fonctionner pour le restant de la saison. Mais jusqu'à présent, ça se passe quand même assez bien. Les gardiens Marco Cousineau et Adam Rousseau ont fait face à 33 lancers, chacun de leur côté dans cette rencontre-là. Donc, 33 lancers, c'est quand même beaucoup. On sent que ça a été un match... comment je pourrais dire? Autant couleur. Oui. ça l'a pas chômé, comme ils disent. Ça a joué au hockey. Comment il s'appelle? Marco Cousineau. Marco Cousineau. Marco Cousineau. Marco Cousineau. Coucou. Oui. Coucou. Ouais. hier, ils ont joué aussi ici même à Trois-Rivières. Par contre, on a perdu en prolongation contre la Surrencia de Thetford Mines. La Surrencia de Thetford Mines qui a joué très, très dur. Je veux pas dire que ça a joué du coude, là, loin de là. Moi, j'ai arrivé en fin de deuxième, mais on sentait justement que l'équipe était robuste. On a certains joueurs qui se sont fait brasser, justement. Il y a un des anciens patriotes de l'UQTR, Billy Lacasse, qui joue pour Thetford Mines. Ah. Et on voit justement cette espèce de côté-là que les Pats ont de la technique qui pratique ici à l'université et par la suite qui est jouée dans d'autres séries ou d'autres calibres. Et Billy Lacasse est vraiment c'est démarqué du moins pendant le match parce qu'on a pu voir justement cette technique-là qui était quasi parfaite. Un contrôle de la puck qui a été top-notch. Ouais, contrôle de la puck. Le contrôle de la puck. L'assurancia, est-ce que tu penses qu'ils ont une bonne couverture? Est-ce que tu penses qu'ils sont comme une police dans les coins d'assurance? Pas les assurances, c'est une joke d'assurance, t'as compris. Ouais, mais j'en ai aucune idée, ouais. Mathieu. Leur contrat est béton. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Quand même, correct. L'entraîneur-chef Bob Desjardins disait après le match qu'il était déçu du résultat, bien évidemment, mais qu'il est très heureux d'avoir récolté 3 points sur 4. On peut accumuler 3 points sur 4 à chaque week-end et on va monter au classement. On tire de l'arrière là, avec toutes les défaites qu'on a eues depuis le début de la saison. Alors si on y va point par point, on va justement pouvoir regagner au classement et commencer à... jouer avec notre cœur. OK, mais est-ce que avec quoi, d'habitude? On sait pas. Ouais. T'sais, on dirait que parfois, ça manque peut-être un petit peu. Mais le Blizzard va visiter... le prochain match va être à Sorel-Tracy. Ils vont visiter les Éperviers de Sorel samedi à 8h. Et par la suite, ça va revenir à Trois-Rivières avec le 3L de Rivière-du-Loup qui va venir visiter notre Blizzard. Alors, vous avez les matchs pour la prochaine semaine si jamais ça vous intéresse. Fantastique. Voilà. Mathieu, ton équipe favorite? Le Complication calqué. Exactement, la climatisation Cloutier. C'est ça que j'ai dit. On en a discuté un petit peu la semaine dernière, mais là, c'est officiel. L'équipe du Cap de la Madeleine est au premier rang du classement de cette saison. Donc, la climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine a vaincu les Sportifs de Joliette. Ils ont pris le premier rang du classement de la Ligue d'hockey senior A de la Mauricie, tandis que le Bigfoot, qui, si je me souviens bien, Sainte-Anne de la Pérade pour le Bigfoot rejoignait deux autres équipes au deuxième rang avec un gain contre les Maroons de Waterloo. Cap de la Madeleine a gagné 4-3 contre Joliette. Si jamais vous voulez avoir les prochains matchs de l'équipe, allez sur la page Facebook, c'est beaucoup plus facile. Vous allez voir, c'est inscrit quasiment jour à jour, heure par heure. Donc vous allez avoir tous les détails. Mais voilà, C'est ce qui fait déjà le tour pour Sport et Flocher. Ça l'a bougé du côté de cette fin de semaine pour nos Patriotes, pour nos équipes locales. Mais ça s'est super bien passé. On aime ça, plein d'action. Oui. Si vous aimez les sports, c'est fou. N'oubliez pas la nouvelle émission de sport qui a eu sur nos ondes. Le temps que je me rappelle, c'est quand? Il me semble que c'est le jeudi à 11h. Ça s'appelle Les Patriotes en action. Jeudi matin à 11h. C'est pas encore sur la grille horaire, mais ça va venir. Ça commence là. Oui. Avec Marc-Antoine Dumas. Exactement. Dumas. Aussi en sport, il y a On pisse avec Tania Baudin et mercredi à 14h. Oui. Mm-hmm. Quoi d'autre? Pas mal ça, je pense. C'est pas mal tout, moi. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On fait cette chronique-là tous les lundis à l'émission et puis Tania is gonna entertain les autres matins de semaine. On écoute pour se quitter, pour cette chronique-là, Corias. Oui, je voulais tout simplement mentionner le fait que, un, c'est l'Halloween. Donc, on va écouter l'extrait, la pièce « Zombie » de Corias. Mais aussi, sa participation au show d'ouverture de la disque hier. Pour ceux qui ont écouté, c'était excellent. Entre autres, il y avait Ingrid Saint-Pierre avec une pièce qui a joué beaucoup ici au Palmarès durant l'été, Tokyo Jelly Bean. Il y a eu Yann Perrault et d'autres artistes aussi. Mais la présentation de Corias pendant le show d'ouverture, je trouvais ça le fun parce que c'est rare qu'on va entendre Corias à la radio. Alors, j'ai décidé de vous l'offrir ce matin. Voici Zombie. Dans la sondage requis. Sur ses fous. 89 FM. Microphone checker, Corey Hart est drette là. Toute le game est messed up, dead from the neck up. Swag faggot trap gods, hashtag get lost. Plus de underage dans les choses que dans un sweatshop. J'run sur la main avec l'adrénaline de rocker. Sob dans la main pendant que j'décapite des walkers. J'cours dans le street à pleines jambes avec une coupe de mes garnements. Là pour chercher le beef et faire du trouble devant le parlement. T'es lame kid, t'as pas drain bitch, read a book. Toujours marcher dans mon propre chemin au lieu de suivre le groupe. Another J said. Rien bande de cave, il est rendu brain dead, embarré dans ma vieille shed. Il essaie de me voir à terre à coups de taser gun. Faut que je me téléporte, see you later chum. J'ai des zombies à mes trousses, man, il faut que je run. Yo, j'ai un truck volé puis un shotgun. Burning fire dans ce cocktail Molotov. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. Running for my life, j'essaie de me sauver la peau. Sauver ma peau. Everybody hit the floor, it's gonna blow. J'ai kick in the door, won't take it anymore, nah. No. 1-2-1-2, essaie même pas de suivre le crew, t'es pas cool comme nous. T'as pas les couilles pour stepper devant des foules comme nous. Enlève ton fucking bucket hat, t'es pas schoolboy Q. La politique c'est mort, je rentre dans le parlement, puis je les kick dehors. J'espile le gaz sur les flammes, puis partir un brawl. Un gros shout-out à ma génération, watatatao. Ha, Michel Couillard over Philippe Couillard. There's no one I can trust, I don't give a fuck. J'ai brûlé tous mes espoirs dans un cocktail Molotov. On sait que l'amour est remplacé par le hameau et les guns. Mais la fleur de liste. Laissez place au drapeau des états, sauf fuck em all. Gang de zombies pour le money dans leur poche. Faudrait voler tous les coffres et burn le money dans un tas, les gars. J'ai rien à perdre, and I'm getting paid. Parce que anyway, t'sais qu'on va tout écoper, pick up it, right? J'ai un truck volé puis un shotgun. Burning fire dans un cocktail Molotov. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. J'ai des zombies à mes trousses, I gotta run. Running for my life, j'essaie de me sauver la peau. Sauver ma peau. Everybody hit the floor, it's gonna blow. J'ai in the door, won't take it anymore, nah. J'suis obligé d'effacer mes pistes pour qu'ils me follow pas. Ils font leurs bitches pour des clics pis des followers. Les gars sur Twitter me traitent de dick parce j'les follow pas. But I'd rather be a dick than a swallow. Sont rendus brainless, brain dead, stupid on the mic. J'ai des zombies à mes trous, j'essaie de leur shooter dans la tête. Ils essaient de me bouffer alive, veulent se nourrir dans ma chair. Ils essaient de bouffer mon brain, veulent se nourrir dans ma tête. Ah, c'est nous qui étaient devant chez vous pendant la grève. Pour réveiller les moutons comme le rooster dans la ferme. Ah, j'fais kill les zombies même tout seul dans la foule. Jusqu'à temps que le dictateur finisse à genoux devant la plèbe. Run for your life. Zo. Action B, Corias, c'était la pièce avec laquelle il a fait l'ouverture du show de la disquière. Avec Ingrid Saint-Pierre, ça? Avec Ingrid Saint-Pierre, oui. Yeah, ça doit être malade, je vais aller voir. C'est très bon. Au retour de la pause, sont foutus, Pamela, ça semble la joie. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. C'est lundi 31 octobre 2016. C'est la Louis! Il se passe des choses bizarres en studio. Oh oui. Avant de continuer avec la chronique Son foutu palmarès, édition spéciale Halloween, c'est le moment de se renseigner un peu sur ce qui se passe sur le campus. Voici l'info campus. Voici maintenant l'info campus, présenté par le journal Zone Campus. Le service d'orientation du QTR invite les étudiants à prendre part aux activités lors de la Semaine québécoise de l'orientation du 6 au 12 novembre prochain. Parmi les activités, la chronique Radio Cifou le 7 novembre à partir de 7h30, le kiosque d'information mercredi 9 novembre dès 10h au corridor du service aux étudiants et la conférence jeudi 10 novembre à 12h30 au local 3603 du pavillon de la chiropratique. Également, un concours est organisé sur la page Facebook du service aux étudiants. Vous courez la chance de gagner 250$. L'UQTR organise sa journée porte ouverte le 5 novembre 2016 entre 11h et 16h. Des kiosques et conférences sont au programme. Il est également possible de visiter le campus, les résidences, le centre de l'activité physique et sportive, les laboratoires et bien plus encore. Du 7 au 11 novembre, c'est la semaine de la santé par l'activité physique organisée par l'Exercice, un médicament, section Trois-Rivières. À chaque jour, entre midi et 13h, une conférence est offerte par une personne experte dans le domaine de la santé. L'activité se déroule le lundi, mercredi et vendredi au local 4839 du pavillon de la santé et mardi et jeudi au local US009 du pavillon de la médecine. L'activité est gratuite, collation et prix de présence sont offerts. Le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille vous invite à la conférence offerte par la doctorante Josiane Leclerc le 14 novembre au local 3023, pavillon Michel Sarrazin du QTR. Madame Leclerc discutera de son projet visant à évaluer le niveau de reconnaissance des actes de délit et à dresser un portrait psychologique des auteurs d'agressions sexuelles. L'activité est gratuite et le repas est offert. Pour vous inscrire, il faut passer par Eventbrite et chercher place à la relève au CEI-DEF. La Fondation de l'Ordre des comptables agréés du Québec offre 40 bourses de 100$ au premier cycle universitaire et 5 bourses passeport monde CPA d'une valeur de 2000$. La date limite pour remettre le formulaire de demande est le 11 novembre à 16h. Pour soumettre votre candidature, visitez fondation.cpaquebec.ca et cliquez sur l'onglet « Bourses et prix ». C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus est écrit par David Ferron du journal Zone Campus et lu par Tania Baudin. On passe deux fois dans l'assemblage hockey tous les matins de semaine et une fois à midi. Et à partir de cette semaine, il y aura une fois pendant le retour à la maison. Donc, surveillez ça. On n'a pas encore décidé complètement l'heure. Et on va jouer donc 3-4 fois dans la journée. Pas pire quand même. Bel job, David. Bel job, Tania. Merci, merci. Maintenant, c'est le moment de lister des choses dans un ordre plus ou moins précis. Oui. Pas pire, ça. C'est parfait. Il parle à la fin de la chanson. Oui. That mankind is becoming sager, wiser, and gaining sentience. Eh ben, c'est quasiment aussi épeurant que nos fonds d'Halloween, ça. Presque. Ouh. Oh, il y a des chats! Il y a des chats dans le fond! C'est comme un yogourt aux fruits au fond, mais à la place, il y a des chats dans le fond. En arrière de nous. Bref, je disais qu'on allait établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. Yeah. cette semaine, c'est un spécial Halloween. Donc, on y va avec une liste de records Guinness qui ont rapport avec l'Halloween. Mm-hmm. Étrange, hein? Donc, l'Halloween qui arrive chaque automne, mais ces records Guinness-là vont durer toute l'année jusqu'à temps que quelqu'un décide de le battre. Donc, selon mentalfloss.com, c'est 10 activités, si on veut, qui ont battu des records et qui ont rapport avec cette fête de l'Halloween. Commençons par la plus grande collection de Nightmare Before Christmas. Vous êtes un grand fan de Tim Burton, ben vous êtes rien comparé à William Wong, vous êtes un échec total. William Wong qui vient de Hong Kong, qui est propriétaire de la plus grande collection de souvenirs de The Nightmare Before Christmas. Oh, d'accord. Oui, donc il a tellement aimé ce classique du stop motion en 1993 qu'il a passé les 20 dernières années à ramasser des vêtements, des bijoux, des poupées, des livres, des électroménagers même. Mais non. Ouais, j'imagine des blenders, des trucs comme ça, inspirés par le film. Le superfan est même propriétaire d'une rare copie du film, parlant du guide stylistique, guide du style du film, c'est un guide officiel. En 2014, Wong a reçu donc le Guinness World Record pour sa collection de 2020 articles qu'il montre dans une devanture de magasin qu'il loue près de sa maison. Il y a une maison et il y a un magasin proche, une devanture qu'il le loue pour montrer sa collection. Malade. Wow, et ça comme sûrement, un musée. Comme un musée, ça a sûrement augmenté bien au-delà de 2020 depuis. Voilà. Un des trucs qu'il y a dans sa collection, c'est un porte-papier de toilette de Nightmare Before Christmas. Oh, rien de moins. Ensuite, le plus gros bonbon du monde. Oui? C'est un bonbon au butterscotch caramel écossais de 3527 livres, fabriqué par une compagnie de bonbons norvégienne nommée Nidar en 1997. Donc, évidemment, ça aurait pu nourrir chaque enfant en Scandinavie, nous dit-on. Donc, c'est une version très, très grosse du populaire Smokebook Butter Caramel de la compagnie Nidar, mesurant 5 pieds de long par 5 pieds de large. Le plus gros bonbon du monde. Ensuite, le cri le plus fort du monde. Vrai? Mm-hmm. Oui, c'est Jill Drake, oui. En 2000, donc Drake est une assistante enseignante de Kent en Angleterre qui a participé à une compétition de cri dans le Millennium Dome de Londres. Son cri s'est rendu jusqu'à 129 décibels, qui est environ 10 décibels de moins qu'un jet, un moteur de jet au décalage. Mais non. Et c'est donc devenu le record pour le plus gros cri d'une personne individuelle. Ses cordes vocales finalement ont attrapé l'attention de Disney qui l'a invité à Los Angeles pour crier pendant une heure pour faire la promotion du manège le plus épeurant de l'époque qui s'appelait The Twilight Zone Tower of Terror. J'imagine que la vidéo sur le site doit faire un reportage complet jusqu'à temps qu'on... J'imagine qu'on va l'entendre au Today, début, I'm j'espère. Ken, and all I've been asked to bring is some earplugs. Bon, blablabla. OK, oui, la fille qui parle, blablabla, on s'en fout, c'est super le fun. Cri. Oui. I've got a okay, challenge for you. It's earplugs. OK, tiens, lève-le. Wow! Round three. Jill versus Drill. Definitely. Donc on essaie de différencier three, le décibel two, d'une drill one, et de Jill. This ear was just like palpitations, like doo-doo. OK, ouais, c'est cool comme cri. Ça me surprend que ce soit aussi fort qu'un jazz pour vrai. Ouais, moi avec. Mais bon, c'est comme ça. Bref, ensuite, on y va avec la plus grande danse du Time Warp. Tu connais Rocky Horror Picture Show? Oui. Bien sûr. Donc, il y a une pièce là-dedans qui s'appelle Time Warp. Donc, en 2010, le classique a eu 35 ans. C'est un film qui date de 1975, le Rocky Horror Picture Show. Donc, pour rendre hommage à l'occasion, 8239 fans du film se sont rassemblés pour recréer la danse du film au West Hollywood Halloween Carnival. Et c'est donc le record du monde pour la plus grande danse du Time Warp. Ooh. Ensuite, la plus grande collection du monde d'emballages de bonbons. OK. Pour Milan Lukic Valdivia, le meilleur morceau, la meilleure chose dans un bonbon, ben, c'est son enrobage, que ce soit aluminium, papier ou plastique. Valdivia vient de Tacna au Pérou. Il a passé plus de 30 ans à ramasser des milliers d'emballages de bonbons de partout dans le monde. En date de décembre 2015, il était propriétaire donc, de la plus grande collection du monde, 5065 emballages, dont des bonbons qui viennent de 49 pays différents. Bravo. Ensuite, la plus grande collection d'articles, ouais, je sais, ça fait peur, d'articles qui ont rapport aux clowns. Ah, les clowns, ils font tant parler ces temps-ci. Je sais bien, il y a tellement de gens qui ont peur d'eux. Les jeunes enfants qui sont à l'école aujourd'hui, s'ils avaient l'intention de se déguiser en clown, c'est refusé. C'est non. C'est non. C'est ça. C'est dans mes plates. Ouais, c'est sûr, mais en même temps. Mais là, tu sais, comme, calmez-vous. Ouais, je comprends, mais c'est comme, c'est un peu du racisme envers les clowns. Ben là, c'est pas parce qu'un clown. C'est plate aussi pour le petit gars qui voulait zigzag en clown depuis genre 3 mois. C'est à cause des tatas qui se sont prenés avec des haches dans les mains à Shawinigan. Ça fonctionne plus. Une pomme pourrie, hein, une pomme pourrie. Hey. Non, mais c'est ça, c'est pas parce qu'un clown commet un crime que tous les clowns sont des criminels, hein? Exactement. Bon. Donc. Mais ils font pas. Oui, Ortrud! Notre ami Ortrude, je sais pas si ça veut dire Gertrude dans une autre langue, mais Ortrude Kastun, une femme de Essen en Allemagne, les aime, les clowns, elle a pas peur. Donc elle a été reconnue officiellement comme la propriétaire de la plus grande collection de modèles de clowns, donc 2053 figurines individuelles en octobre 2011. Kastun, qui est dans sa mi-soixantaine, a commencé à collectionner des items, des articles de clowns il y a 20 ans. Éventuellement, il y a eu tellement d'articles qu'il a dû les amener dans un... qu'il a dû emménager dans un nouvel appartement, voilà. Donc, Austin a même bâti son propre musée à la maison pour que les gens puissent venir voir ses poupées. Hein? Certains considèrent les clowns comme étant quelque chose de sinistre, mais Kastun, une ancienne alcoolique, les voit comme... un porte-bonheur très personnel. Lorsqu'il était en thérapie, il a reçu... Elle a assemblé un casse-tête de clown et quelque chose de cliqué. Oh, ouais. Elle a commencé à aimer ça. C'est ce que Kastun a dit donc à Guinness World Records. Elle les aime depuis. Voilà. Ensuite, la citrouille la plus lourde au monde. Présentement, le record pour la citrouille la plus lourde appartient à une espèce de citrouille un peu croche, une propriété de Benny Meyer de Suisse. C'est lui qui l'a fait pousser. Donc, une citrouille de 2323 livres. Qui a volé le spectacle au Belgium Giant Pumpkin European Championship à Ludwigsburg en octobre 2014. Mais une autre citrouille et la personne qui l'a fait pousser pourrait bientôt voler le titre de Meyer. Plutôt dans ce mois d'octobre-ci, en 2016, un homme belge nommé Matthias Willemien a ramené le premier prix de ce même événement annuel après avoir montré une citrouille de 2624 livres. L'autre faisait 23-23 et c'est 26-24. Ensuite, le plus grand rassemblement de gens déguisés en fantômes. Singapour n'a pas peur des fantômes. Donc, le 12 juin 2016, Sony Pictures a fait un événement de tapis rouge pour le reboot de Ghostbusters de cette année au Marina Bay Sands Hotel dans la ville. L'occasion avait donc des apparitions spéciales par Melissa McCarthy du film Ghostbusters de 2016 et le réalisateur Paul Feig. Donc, le meilleur moment là-dedans était le fait que 263 personnes étaient déguisées en fantômes pour avoir le record du monde du plus grand rassemblement de gens déguisés en fantômes. Wow! Ensuite, le plus de changements de costume, une illusion, donc du plus de changements de costume en une minute par une seule personne. Donc, d'habitude, on a un seul costume d'Halloween à chaque année. Costume, barre oblique, peu importe ce que vous... Il y en a qui... Tu sais, je me suis fait demander mon costume, c'était quoi, là, plusieurs fois. Oui. Par des... C'était pas un costume, c'est juste... C'était pas moi, ça. C'est, ouais, c'est ça. J'avais du jaune dans les cheveux, puis j'avais du vernis noir à ses ongles. C'est quoi, c'est ça, un costume de quelque chose? Non, c'est juste pas moi. Hein? Ouais, exact. Bref. Ou t'aurais pu être 8 Miles. C'est peut-être. Comme Eminem back in the days. J'aurais pu back in the days. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était pas ça. Bref, si vous êtes Avery Chin et Sylvia Lim, vous allez peut-être avoir plusieurs costumes. Parce qu'en septembre 2016, les deux magiciens qui viennent de Malaisie ont brisé le record Guinness pour le plus de l'illusion du plus de changements de costume en une seule minute. Sylvia s'est changée 18 fois, a porté 19 habits différents. Donc on s'entend que le premier habit, elle le portait déjà sur scène. Fait qu'elle a changé 18 fois. Ce qui a battu le précédent record qui était d'autres magiciens malaisiens quelques semaines auparavant. Ils ont battu de deux ensemble. Donc, t'as regardé la vidéo un petit peu, toi? Oui, je l'ai regardé. C'est vraiment assez impressionnant. Ouais, hein? Ouais, la vidéo dure même pas 2 minutes. Là, et donc, c'est une illusion, bien sûr. Elle ne se change pas complètement. Les costumes sont sûrement un par-dessus l'autre. Probablement. Mais pour vrai, je ne vois pas comment, comment on peut faire ça. Mathieu, si tu me permets... Ouais. J'ai trouvé justement 12 idées de costumes d'Halloween pour des gens qui sont féministes. Si jamais ça vous tente, mesdames, vous voulez faire différent cette année. J'aimerais ça. Ouais. Laisse-moi mon dernier bonus, après ça, on y va avec ça. Donc, c'est la plus longue distance de pégayage dans une citrouille. Ça s'en vient, c'est pas encore fait. Donc, c'est pas encore dans le livre des records Guinness. Mais en octobre cette année, un homme nommé Rick Swenson de Fergus Falls au Minnesota a essayé d'avoir le record Guinness pour la plus longue distance à pégayer dans une citrouille. Donc, il a vidé une citrouille de 1100 livres. Il l'a amené pendant 26 000 de distance sur la Red River de l'État. Son voyage lui a pris 13h40 minutes. Il a de la compétition. Par contre, un autre homme nommé Todd Sandstrom de Easton au Massachusetts essaie aussi d'avoir le record. Et en septembre, il a pris une citrouille de 1240 livres. Il l'a amené pendant 8 000 sur sa rivière qui est la Taunton River. 26 000 en kilomètres. Pour vous renseigner, ça fait 41. 1,9 km. Donc voilà pour les records Guinness de l'Halloween. Allons-y avec le tien, Fanny. Mais on le sait, l'Halloween pour certaines femmes, certaines jeunes femmes, certaines filles, le temps de mettre le petit costume sexy, c'est bien belle fun, mais ça fait beaucoup parler. Il y en a plusieurs qui disent bon, on devrait pas avoir ça à l'Halloween. Mais pour ceux qui veulent pas avoir nécessairement la tendance du costume sexy là, cette année, si jamais ça vous tente, j'ai pour vous des idées de costumes d'Halloween très féministes. Alors, on va avec le premier qui est la pilule contraceptive. C'est deux madames dans un bureau administratif qui ont décidé de faire ça. Il y en a une qui est vraiment déguisée en la pilule et l'autre, elle est déguisée en pack de pilules contraceptives. C'est merveilleux. Par la suite, vous avez aussi Hermione Granger dans Harry Potter. Ben oui. Vous pouvez faire soit Emma Watson tout court ou Hermione Granger. Mais on sait, le rôle d'Hermione est reconnu pour être très, très... je veux pas dire powerful, mais avec... Girl power. Ouais, girl power, disons ça comme ça. L'intelligence et tout ça. Donc, Hermione Granger reste un personnage culte féministe. Par la suite, on a le stérilet. Si jamais ça vous tente, c'est vraiment bien fait. C'est facile à faire aussi. Et ça va faire rire beaucoup de gens, ça, c'est sûr et certain. Vous avez la pin-up, tu sais, là, Rosie de Rifter. Ouais, celle qui posait des. Avec son petit gun, pas drill, mais ouais. Ouais, aussi. Puis celle qui a des pipes plus gros que Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm. Alors, vous avez cette option-là aussi si vous êtes du style à vouloir vous déguiser. En femme avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de force. Par la suite, on a Buffy dans Buffy and the Vampire Slayer. C'était quoi déjà? Buffy contre les vampires. Contre les vampires, voilà. Je trouve pas tant que c'est un modèle féministe, mais bon. Ah ben oui, et Full Girl Power a-tu des vampires? Oui, comme mais en talons hauts. Ouais, mais ça n'empêche rien. OK, moi aussi, je le ferais comme ça, c'est correct. Si jamais vous voulez aussi, il y a le catcall. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le catcall, c'est quand les gars sur la rue ou en voiture ou peu importe décident de... Hey! Ah, wow, c'est là, bon, ça, là. Bon, ben c'est très facile pour vous déguiser en catcall. En fait, vous allez soit avoir avec vous en tout temps un téléphone à fil ou soit vous dessinez un téléphone à fil et vous vous déguisez en chat. Donc, ça fait un catcall. C'est le jeu de mots. C'est excellent. Personnage féministe, Mathieu, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Katniss Everdeen dans Hunger Games. Ben oui, ben oui. Ça aussi, ça reste un classique. Il y a, d'après moi, pas mal de jeunes filles qui vont se déguiser en, comme ça. Il y a aussi la mariée dans Kill Bill, qui était jouée par, je ne me souviens plus son nom, mais... Uma Thurman. Exactement, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent vraiment le donner... Le tout pour le tout. Si jamais vous avez un party ce soir, sachez que vous pouvez vous déguiser en menstruation. En menstruation, OK. Ouais, c'est... Mais menstruation, genre. Non, mais en fait, il y en a une qui a décidé de... Si vous pouvez faire l'idée en amie, tu sais, en couple de deux. Ouais. Il y en a une que c'est une serviette sanitaire, puis l'autre, c'est le tampon. Ah, c'est... Wow. Féministe, c'est dégueulasse. Wow. Pas de Wonder Woman, Jessica Jones, non, Catwoman. Non, je suis désolée, c'est pas dans les choix que j'ai trouvés. Super, merci Daniel. Ça fait plaisir. C'est tout pour son foutu palmarès. Les liens sont sur l'assemblagerequis.com. On termine l'émission là-dessus. Restez à l'écoute. L'émission C'est fou le sexe s'en vient à 9h30. Ensuite, la sortie de secours est à votre gauche avec Sébastien Bigartin et Lucas Hubert. À midi, c'est la rediffusion de rock classique. Ensuite, à 20h, en direct rock de Luron avec du rock progressif. CIF.ca pour la prévention complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Demain, nous serons mardi. Et à l'émission de demain, qu'est-ce qu'on a? Bonne question. On a David Ferron à 8h30. Oui. Pour sa chronique sur la musique. Et à 9h, on a Marie-Christine Perra. Et sa chronique sur les arts visuels, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Bonne journée, Tania. Bonne journée. On se quitte avec une pièce des Deluxe qui vont se déguiser, eux, pour l'Halloween, en Springtime Devil. Un petit diable printanier. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. À demain. Bye bye. Bye, bon café. Still hold on to you here. The cold 12 months a year in the cold. Silver tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory.